étudiants de Vincennes viennent à lui pour dire mais en fait vos concepts ils sont bien mais on n'arrive pas à en sortir et j'étais à peu près dans la même situation qu'un pauvre étudiant de Vincennes des années 70. J'arrivais pas à me sortir de ça et j'étudiais Whitehead à travers Deleuze, j'étudiais Bergson à travers Deleuze, j'étudiais William James à travers Deleuze, c'était pathétique. Je suis parti en Amazonie, je me suis bien éclaté, je veux dire intellectuellement parlant, et je suis revenu avec plein de choses qui ont redéterminé une bonne partie de ma manière de voir et de penser ce que sont les savoirs. Et j'ai fait une croix sur Deleuze. Néanmoins, il a été mon maître définitivement à penser. Et je pense que à un niveau de généralité suffisant, je continue à suivre pas mal de ses intuitions. C'est terrible, mais on crée comme ça des fidélités non volontaires. Et ma grande surprise quand je suis revenu du terrain et que j'ai commencé à faire ma thèse et que j'ai commencé à redécouvrir le milieu académique parisien et dans un premier temps celui de Rio, c'était de me rendre compte que mes collègues avaient fait le trajet inverse. C'est-à-dire qu'ils étaient partis en Amazonie, qu'ensuite ils étaient allés dans le quartier latin, dans le 5e arrondissement, et qu'ils avaient lu et adoré Deleuze, et que dorénavant, ce que l'on mettait dans la bouche des Indiens et dans le cerveau des Indiens était essentiellement une série de concepts un peu simplifiés d'ailleurs de Deleuze et j'ai été un peu atterré. Donc je me suis dit que ça allait passer rapidement, c'était au début des années 2000 et aujourd'hui c'est pas du tout le cas en fait, c'est pas du tout passé, c'est devenu quelque chose de relativement dominant et qui a constitué sa cohérence en soi. Tout ça pour dire que je n'ai rien à voir avec ça, vous ne m'entendrez pas parler d'anthologie aujourd'hui. Je vais simplement vous parler d'écriture de la manière la plus simple et la plus rationnelle possible. Et pourquoi je vais vous parler d'écriture? Parce que ça fait une dizaine d'années maintenant que je travaille sur l'écriture, ce bouquin en est la preuve en fait. Pour moi c'était une continuité avec mes études sur les traditions orales. J'essayais de comprendre un petit peu comment se stabilisent des chants, des matériaux purement oraux dans des cultures données. Donc on stabilise ça avec des types de langage, des types de formalisation du langage, avec des types d'apprentissage qui sont très codifiés, des institutions qui sont elles-mêmes codifiées et qui permettent de standardiser autant que faire se peut du langage rituel par exemple. Et c'est ça moi qui m'intéresse, c'est le discours compliqué qui peut se transmettre sans écriture. Et donc naturellement j'en suis venu dans une deuxième partie de mes travaux à travailler sur l'irruption de l'écriture à l'intérieur de traditions orales et sur le rôle que pouvaient avoir différentes sortes d'écritures aux sémiotiques relativement complexes qui ne se réduisent pas du tout à celles que vous connaissez, mais ça je vais y revenir, ne vous inquiétez pas. Et ce travail m'a amené à travailler sur pas mal d'écritures différentes, à les présenter ensuite dans des exposés oraux et j'ai fait un certain nombre de communications et à chaque fois à la fin de ce que j'avais présenté, c'est-à-dire des matériaux empiriques, présentés d'une manière plus ou moins originale, j'avais toujours affaire à la même question, à savoir, oui, mais qu'est-ce que vous pensez de ce que dit Lévi-Strauss de l'écriture? Alors, j'avais lu Triste Tropique quand j'étais même avant d'être étudiant en philo, j'avais pas du tout aimé, j'aime pas du tout ce style un peu enfoulé et un peu grand style, qui est très étonnant d'ailleurs de la part d'un type qui, dont le premier texte était un compte-rendu de Céline, quoi, et qui voulait écrire un livre qui soit conradien. Il a fini par écrire un livre qui est un espèce de pastiche de Chateaubriand et que personnellement en tout cas je n'aime pas du tout. Et donc je me souvenais vaguement d'un passage, d'une leçon d'écriture, puisque c'est assez célèbre en philo. En fait, de la philo, en général, on connaît ça, puisque Derrida a rendu le passage célèbre. Je me souvenais que c'était pas terrible du tout, quoi. Mais chaque fois, les étudiants américains en particulier me disaient « Mais qu'est-ce que vous pensez de la théorie de Lévi-Strauss ?» Puisque tous, ils avaient étudié ce texte de Derrida qui en finit avec Lévi-Strauss, le structuralisme en général, la pensée française aussi, tant qu'à faire, qui est un texte de Derrida sur la leçon d'écriture, sur lequel je vais revenir bientôt. Donc tout ça a fait que, forcé par les circonstances beaucoup plus que par mon désir, je suis revenu à ces pages de Triste Tropique. Sur qu'on appelle maintenant la leçon d'écriture, c'est le chapitre 28 de ce fameux livre. Et en fait, en le lisant, j'ai pas été très impressionné par la théorie qui n'en est pas une d'ailleurs. Vous savez, c'est la tradition du voyage philosophique. On fait des grandes réflexions type PMU à partir de données que l'on trouve à droite, à gauche, soit là au Japon, soit chez les Bororo, soit chez les Kadmero, soit chez les Nambiquara pour ce qui est de Lévi-Strauss. Mais à défaut de m'intéresser à la théorie, qui est de dire qu'avec l'écriture vient le pouvoir, la coercition, la force brute, qui est un peu limitée. Je me suis intéressé à l'anecdote, et l'anecdote, je me suis rendu compte qu'elle était d'une richesse extrême. Et que, on dit souvent que Lévi-Strauss est un mauvais ethnographe, un bon théoricien. Ce serait pas très difficile de dire que c'est un assez bon ethnographe. En tout cas, toute son ethnographie tient. Dans toute son ethnographie, il y a l'intégralité des théories de Pierre Clastres, celle de Sebag. Enfin, il y a véritablement une grande richesse dans sa thèse sur la vie familiale des Indiens d'Ambiquara. Et d'une manière générale, il avait un véritable talent pour noter des anecdotes pertinentes, significatives. Il avait ce talent-là, à défaut d'en tirer ensuite véritablement le potentiel théorique. Mais je suis là pour ça, donc voilà, c'est ce que je propose de faire aujourd'hui après cette introduction un peu longue. Mais d'un côté, je prends du temps, puisque comme on essaie, je suis pas sûr qu'une heure de questions, enfin bon, on verra. Donc ce que je vous propose en tout cas, c'est je vais lire avec vous le texte, il y en a trois pages, enfin trois pages de PowerPoint, donc c'est pas trop long. Et je reviendrai ensuite dessus pour essayer d'en tirer quelque chose. D'abord, je vous donne un poil de contexte quand même sur l'ethnographie de Lévi-Strauss. On est en été 1938, en hiver en fait, puisqu'on est au Brésil, à l'hémisphère sud, et on est en août, si je me souviens bien. Et Lévi-Strauss, qui est professeur à Sao Paulo, il fait un petit voyage à l'intérieur des terres, dans le Mato Grosso, ce qui est facilité par le fait qu'à l'époque, on installait le télégraphe dans ces terres-là, qui sont au sud de l'Amazonie, hein, c'est de la savane. C'est pas du tout le cliché qu'on peut avoir. Lévi-Strauss n'est jamais allé en Amazonie. Il est toujours allé dans ces terres-là. Et donc, il va faire 3 mois de terrain chez les Nambiquara, ce qui est tout à fait honorable pour l'époque, ce qui est terrible pour les standards d'aujourd'hui et même ceux d'après-guerre, en fait, tout simplement. Donc, en 3 mois, ça veut dire qu'il ne va pas apprendre la langue. Il va se communiquer avec un pidgin, en fait, avec les Nambiquara, qu'il ne va découvrir les Nambiquara que pendant la saison nomade et non pas pendant la saison sédentaire, de telle sorte qu'il va étudier les Nambiquara avec un minimum de culture matérielle, mais véritablement réduit au strict minimum, sans aucune. Il ne saura pas dans quel type de maison ils vivent, etc. Enfin, c'est un terrain très très particulier. Et pendant ces 3 mois, il va avoir cette expérience de la leçon d'écriture. Donc là, je passe à ma lecture. Lévi-Strauss, je cite. On se doute que les Nambiquara ne savent pas écrire. Ça commence bien. Mais ils ne dessinent pas davantage, à l'exception de quelques pointillés ou zigzags sur leur calebasse. Comme chez les Caduevo, population chez laquelle il était allé juste auparavant, je distribuais pourtant des feuilles de papier et des crayons dont ils ne firent rien au début. Puis un jour, je les vis tous occupés à tracer sur le papier des lignes horizontales ondulées. Que voulaient-ils donc faire ? Je dus me rendre à l'évidence. Ils écrivaient, ou plus exactement, cherchaient à faire de leur crayon le même usage que moi, le seul qu'ils pussent alors concevoir, car je n'avais pas encore essayé de les distraire par mes dessins. Pour la plupart, l'effort s'arrêtait là, mais le chef de bande voyait plus loin. Seul sans doute, il avait compris la fonction de l'écriture. Le chef de bande, pour la suite de l'exposé, il s'appelle Julio, en fait. C'est ce qu'on sait à travers un des autres membres, un membre brésilien de l'expédition de Lévi-Strauss. Et Lévi-Strauss, lui, l'appelle A1. C'est rigolo pour nous. Aussi m'a-t-il réclamé, ce Julio, un bloc-notes, et nous sommes pareillement équipés quand nous travaillons ensemble. Il ne me communique pas verbalement les informations que je lui demande, mais trace sur son papier des lignes sinueuses et me les présente, comme si je devais lire sa réponse. Lui-même est à moitié dupe de sa comédie. Chaque fois que sa main achève une ligne, il l'examine anxieusement comme si la signification devait miraculeusement en jaillir, et la même désillusion chagrine se peint sur son visage. On voit l'utilisation des épithètes par Lévi-Strauss qui lui est particulière. C'est un peu méchant puisque ça, c'est dans sa thèse de doctorat, il les a enlevés le triste tropique, se disant qu'il avait un peu exagéré. Mais il n'en convient pas, et il est tacitement entendu entre nous que son grimoire possède un sens que je feins de déchiffrer. Le commentaire verbal suit presque aussitôt et me dispense de réclamer les éclaircissements nécessaires. Or, à peine avait-il rassemblé tout son monde, et là je refais un tout petit peu de contexte, puisque dans son histoire, Lévi-Strauss était revenu un petit peu en avant dans le temps, il était revenu en juillet au moment où il a découvert les Nambiquara, et là ce dont il va parler, ça se passe en août, c'est-à-dire après l'épidémie d'ophtalmie qu'il a déclenchée chez les Nambiquara, et qui ont obligé d'ailleurs son épouse de l'époque à repartir sur la côte brésilienne. Et c'est dans ce contexte qu'il va organiser en fait quelque chose comme une cérémonie rituelle avec les Nambiquara. Pourquoi ? Parce que son but, c'était un ethnologue, on était dans les années 30, il était financé par le Musée de l'Homme, qui était au Trocadéro, et le Musée de l'Homme voulait simplement des objets, de la culture matérielle. Or, les Nambiquara n'en avaient strictement pas, c'était un peu pathétique. de telle sorte qu'il a décidé de faire en sorte que les Nambikwara puissent se réunir dans un gigantesque type de cérémonie pseudo-traditionnelle dont il était lui-même le sponsor, pour faire toute une série d'échanges rituels qui allaient lui permettre en fait d'acquérir des objets. Donc les échanges, c'était essentiellement lui qui donnait des machettes, des choses en métal, et les Indiens qui lui donnaient des objets qui aujourd'hui sont dans les réserves du musée du Quai Branly. Donc voilà, tout commence. On est dans ce moment un peu particulier, puisque ce genre de cérémonie, là c'est les Lévi-Strauss qui avaient poussé à l'organiser, mais c'est des choses qui se font toujours avec une certaine tension. On ne sait pas si ça va dégénérer en conflit, d'autant plus que ça n'allait pas très bien dans les groupes à cette époque-là, pour plein de raisons sur lesquelles peut-être je reviendrai. Enfin voilà, ça vous donne un tout petit peu une idée de ce qui était en jeu, et c'est là que c'est la dernière partie de ma lecture de la leçon d'écriture. Or, à peine avait-il rassemblé tout son monde, Julio, le chef Nambikwara, qui est le seul qui avait compris comment fonctionnait l'écriture apparemment, à peine avait-il rassemblé tout son monde qu'il tira d'une hotte un papier couvert de lignes tortillées qu'il fit semblant de lire, et où il cherchait, avec une hésitation affectée, la liste des objets que je devais donner en retour des cadeaux offerts. À celui-ci, contre un arc et des flèches, un sabre d'abattu, à tel autre, des perles pour ses colis. Cette comédie se prolongea pendant 2 heures. Qu'espérait-il se tromper lui-même, peut-être, mais plutôt étonner ses compagnons, les persuader que les marchandises passaient par son intermédiaire, qu'il avait obtenu l'alliance du blanc et qu'il participait à ses secrets. L'écriture avait donc fait son apparition chez les Nambikwara. Là, on est en mode morale de l'histoire, morale philosophique de l'histoire du point de vue de Lévi-Strauss. L'écriture avait donc fait son apparition chez les Nambikwara, mais non point comme on aurait pu l'imaginer au terme d'un apprentissage laborieux. Son symbole avait été emprunté tandis que sa réalité demeurait étrangère, et cela en vue d'une fin sociologique plutôt qu'intellectuelle. Il ne s'agissait pas de connaître, de retenir ou de comprendre, mais d'accroître le prestige et l'autorité d'un individu ou d'une fonction aux dépens d'autrui. Ok. Donc ça, on voit pas beaucoup les images. Là, vous avez Lévi-Strauss et le chef Nambikwara en arrière-fond. Lévi-Strauss et Julio. Donc, c'est cette anecdote que je nous propose de travailler un petit peu dans l'heure qui vient. Je vais prendre 3 aspects qui moi m'intéressent particulièrement dans cette anecdote, et à partir de là, on va voir un petit peu où on peut aller. Le premier, c'est ce que j'appelle de manière pas terrible, j'avoue, infra-écriture, c'est-à-dire quel est le statut de ces lignes ondulées, de ces lignes d'écriture pour les Amérindiens, pour les Nambikwara dans un premier temps. On verra si on peut aller plus loin après. Dans un deuxième temps, je reviendrai à l'interprétation que Lévi-Strauss donne de cet épisode, de l'irruption de l'écriture comme irruption de la coercition, du pouvoir exercé aux dépens d'autrui. Et dans un troisième temps, j'aurai une petite surprise, on verra si ça marche. Donc on commence tranquillement par les lignes d'écriture qui sont faites par les Nambikwara. Alors, quelques années après avoir publié Les Tristes Tropiques, dans les années 60, Lévi-Strauss y publie le premier tome des Mythologiques, son livre secret que jamais personne n'a compris, et dans lequel il publie 7 reproductions, qui sont les lignes d'écriture Nambikwara. Il légende ça comme ça. On ne sait pas si c'est le chef, celui qui avait compris d'une certaine manière la fonction d'écriture, qui a dessiné ces lignes, ou d'autres Nambikwara, on ne sait pas, voilà, mais c'est à peu près tout ce qu'il nous montre. Pour la petite histoire, dans son argumentation, c'est pour prouver que le continu est plus important que le discret dans la pensée amérindienne. Vous savez, enfin, les mythologiques, c'est une tentative de reformuler dans le vocabulaire de la philosophie pré-socratique, les schèmes de pensée amérindiens d'Amazonie et d'Amérique du Nord en particulier. Apparemment, ça n'a pas pris, puisque jamais personne n'a fini le livre, encore moins n'en ont parlé, mais c'est assez amusant. De toute évidence, il le donne juste comme ça, comme un exemple, et j'ai été étonné de découvrir que ça n'était pas un phénomène isolé, en fait. Je me suis un peu plongé dans la bibliothèque et j'ai découvert que dès 1892, chez les Guarani Kaiowa, qui sont un petit peu en dessous des Nambikwara, on trouvait dans un article d'un ethnologue argentin une imitation d'écriture par, par un indien. Que 10 ans après, chez les Tuyuka, donc là on est en Amazonie du Nord-Ouest, l'explorateur allemand Kurt Grünberg, qui a publié un livre qui est génial, un livre de 200 pages entièrement fait de dessins qu'il demandait de faire à des indiens qui eux-mêmes n'avaient aucune tradition culturelle de dessin. Des dessins en tout cas avec du crayon sur du papier. Et le livre s'appelle Les débuts de l'art dans la forêt. Et il est vraiment très beau, souvent, pas toujours. Là, c'est moyennement, c'est pas terrible, mais là-dessous, vous avez une imitation d'écriture qui est la signature de l'indien. Disait-il, à l'imitation de la signature que Kurt Grünberg lui-même apposait en dessous de ses aquarelles qu'il faisait toujours sur le terrain. On est aujourd'hui, ça correspond au Venezuela, l'endroit où c'est. En 1910, un autre explorateur allemand, Max Schmidt, chez les Parisi Cavici, fait lui aussi, comme c'est devenu une tradition, fait lui aussi dessiner les Indiens. Et ce que vous voyez à votre droite, les lignes tortillées, sont aussi des imitations d'écriture. J'ai découvert cet exemple-là assez tardivement. C'est un peu hallucinant, en fait. Les Parisi Cavici sont des voisins des Namdiquara. C'est même leur, ils furent leurs ennemis favoris pendant longtemps. Et les contacts culturels entre les deux groupes, entre les Parisi et les Namdiquara, ont été intenses. Or, Max Schmidt raconte toute une histoire du chef des Parisi qui s'appelle Manuel de Santos, si je me souviens bien, en tout cas c'est son nom en espagnol du Paraguay, va utiliser cette écriture pour montrer aux membres de sa propre société son alliance avec les Blancs et pour rehausser son caractère de chef. C'est-à-dire que vous avez, mais 28 ans avant Lévi-Strauss, exactement la même anecdote avec la même conclusion beaucoup plus tempérée par ailleurs chez Max Schmidt qui n'en fait pas du tout une théorie de l'origine de l'écriture et de sa concomitance avec le pouvoir de l'État, mais simplement quelque chose qui sera plus congruent avec ma propre interprétation qui est beaucoup plus tranquille et que je vous dévoilerai un petit peu plus tard. Je continue mon truc. Là, on est avec Herbert Baldus chez les Chamacopo qui sont dans le Chaco un peu au sud en 1923. Et vous avez Belligue, un jeune qui aime, dit Herbert Baldus, imiter les Blancs en s'habillant comme eux, en particulier en mettant des chaussures et des chapeaux qui sont dans les deux cas l'insigne de ce qu'étaient les Blancs en Amazonie pendant au moins une centaine d'années. Qui fait encore une fois une imitation d'écriture qui ne. Vous remarquez d'ailleurs que c'est une réfutation de la théorie de Lévi-Strauss selon laquelle les Indiens privilègent le continu sur le discret, puisque vous avez des signes discontinus, c'est le moins qu'on puisse dire, et ça c'est son imitation d'écriture. En 1950, Darcy Ribeiro, chez les Urubukaapor, termine une page d'écriture de l'ethnologue par des lignes ondulées. Il les publiera simplement dans les années 90, et là, comme une référence explicite à la leçon d'écriture de Lévi-Strauss, qui est devenue quelque chose de connu. De la même chose, Philippe Erickson, ethnologue célèbre du département d'ethnologie de Nanterre, laisse tomber des papiers un jour dans sa maison, part à la chasse dans la journée, et quand il revient, des jeunes ont couvert d'écriture, de pseudo-écriture, donc c'est d'infra-écriture, on pourrait dire, ces papiers. C'est le dernier témoignage que j'ai de lignes d'écriture asémiotiques, on pourrait dire, réalisées par les Amérindiens. Bon, ça veut dire quoi tout ça? On a une robustesse temporelle qui est quand même assez hallucinante. On a un siècle d'imitation d'écriture, 1892, etc. On a une robustesse spatiale qui est quand même assez étonnante aussi. Enfin, vous voyez, je ne vous ai pas donné toutes les références, puisque des fois on a simplement l'indication de ces imitations sans la reproduction du facsimilé. Donc on en a chez les Araouete avec Viveros de Castro, on en a chez les Yanomami avec Bruce Albert, on en a encore ailleurs, j'arrive pas trop à dire, je vous avouerai, d'ici chez les Katukina, ouais. C'est pas très important, l'important c'est de savoir que c'est un phénomène. L'imitation d'écriture sous forme de lignes ondulées, c'est un phénomène à la fois robuste dans le temps et dans l'espace. Il y a quelque chose d'au moins étonnant dans ce phénomène culturel, pour le coup, hein, qui est globalement assez propagé et qui demande explication. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement dire c'est le hasard, c'est une anecdote. Et Et c'est à partir de là que j'aimerais un petit peu développer un ou deux arguments sur pourquoi ces imitations se sont produites à tant de reprises différentes, pourquoi elles ont pris à peu près la même forme. Première chose sur laquelle il faut revenir comme un caveat, c'est que Lévi-Strauss dit au début de sa leçon d'écriture, les Nambiquara ne savaient ni écrire ni dessiner. Simplement dans sa thèse, il évoque des pointillés, des zigzags, des traits géométriques que les Nambiquara dessinaient sur leur calebasse. Pas de chance, c'était pas le bon moment pour récupérer de la culture matérielle. Moi je suis allé voir un petit peu dans les réserves du musée du Quai Branly si on pouvait trouver quelque chose comme ces répertoires graphiques et leur réalisation sur des objets. J'en ai pas trouvé puisque toutes les céramiques ont été cassées en fait. Il reste essentiellement des arcs et des flèches. Et éventuellement aussi des boîtes de conserve sur lesquelles vous ne voyez pas très bien, j'avoue. Mais il y a une ligne ondulée qui a été gravée par un Nambiquara et qui fait très probablement partie du répertoire graphique ornemental des Nambiquara. Et qui prouve d'une certaine manière que les Indiens savaient dessiner. Probablement pas de la même manière que Lévi-Strauss entendait le verbe dessiner. Néanmoins, ils avaient une tradition graphique, probablement ancienne, qui partageait en grande partie avec pas mal d'autres populations amérindiennes, et en particulier avec leurs voisins. Et donc on peut se poser la question, est-ce que les Amérindiens, en voyant l'écriture des blancs, des colons blancs qui arrivaient, n'avaient-ils pas quelque chose comme une catégorie préconstituée qui leur a permis de faciliter la compréhension de la nouveauté que constituait pour eux l'écriture? Bon, pour ce faire, il suffit de faire un tout petit tour par Derrida, qui, dans son texte en 1966, propose une lecture extrêmement fine de la leçon d'écriture, et qui est tellement fine que parfois il tombe sur des choses qui sont tout à fait vraies en fait. Et dans ce passage-là, il dit « Ce petit groupe Nambiquara dispose néanmoins d'un mot pour désigner l'acte d'écrire, en tout cas d'un mot qui peut fonctionner à cette fin. Il n'y a pas de surprise linguistique devant l'irruption supposée d'un pouvoir nouveau. Ce détail, omis dans les tristes tropiques, est signalé dans la thèse. » Et là, il cite la thèse, donc là on revient à Lévi-Strauss, cité par Derrida, cité par Pierre, etc. « Les Nambiquara du groupe A ignorent complètement le dessin, si l'on accepte quelques traits géométriques sur des calebasses. Pendant plusieurs jours, ils ne surent faire que du papier, ils ne surent que faire du papier et des crayons que nous leur distribuions. Peu après, nous les vîmes fort affairés à tracer des lignes ondulées. Ils imitaient en cela le seul usage qu'ils nous voyaient faire de nos bloc-notes, c'est-à-dire écrire, mais sans en comprendre le but et la portée. Ils appelèrent d'ailleurs l'acte d'écrire Yekariyu Kediutu, c'est-à-dire faire des raies. Or, il explique dans une note de bas de page que raies, c'est le nom qu'ils donnent aux motifs graphiques traditionnels de leur répertoire ornementaux qu'ils utilisent sur les calebasses, éventuellement sur les boîtes de conserve, et sur les flèches et sur les arcs, etc. Il n'est pas question de peinture corporelle, il n'en a pas vu pendant les 3 mois durant lesquels il est resté chez les Nambiquara. Tout ça pour en venir à quoi? C'est-à-dire que dans la langue Nambiquara, il y avait déjà une interprétation de ce qu'était l'écriture. Une interprétation, certes non sémiotique, une interprétation infra, on pourrait dire, de l'écriture, qui comparait les signes graphiques discrets de l'écriture aux motifs graphiques discontinus du répertoire graphique traditionnel qui était le leur. Et encore une fois, ça aurait été bien d'avoir un peu plus de lumière, mais si on va chez les parésis, qui sont les fameux voisins chez lesquels l'ethnologue Max Schmidt a vécu exactement le même type de leçon d'écriture, on trouve des différents motifs graphiques. Alors ceux-là, ils sont, vous voyez, des réondulés. En fait, ça, c'est une reproduction de ce qui est dessiné sur un bâton. Donc, normalement, c'est en rond. Et donc, les différentes raies font partie de leur répertoire ornemental standard. Vous en avez d'autres. Et l'écriture est donc catégorisée par la langue, Nambiquara, comme un analogue des motifs graphiques ornementaux traditionnels. Vous avez là une première interprétation de l'écriture comme infra-écriture. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que les imitations Nambiquara de l'écriture sous forme de lignes ondulées seraient donc conditionnées par une polysémie linguistique, qui est donc un mot qui veut dire, qui se réfère à deux choses différentes, hein, elle-même dérivée d'une analogie visuelle entre les motifs du répertoire graphique traditionnel et les signes de l'écriture, des lignes de l'écriture qui sont observées. Simplement expliquer l'imitation de l'écriture des Nambiquara par une simple analogie et une polysémie propre à leur langue présente un défaut. c'est que la réitération du phénomène un peu partout dans les basses terres d'Amérique du Sud, celle que je vous ai montrée, la robustesse à la fois temporelle et spatiale de ce phénomène, n'est pas expliquée. À moins qu'on retrouve cette polysémie dans les autres langues amazoniennes. Donc je suis allé dans les dictionnaires, et dans toutes les langues que j'ai testées, c'est d'ailleurs une cinquantaine, maintenant un peu plus, mais bon, je me suis un peu fatigué de le faire entre temps, donc 70% des langues amazoniennes testées utilisent un même terme pour les motifs graphiques des peintures corporelles traditionnelles et pour l'écriture. Donc vous avez une polysémie qui est robuste. Un troisième phénomène robuste, pas simplement les imitations d'écriture sous forme de lignes, pas simplement l'analogie qu'il peut y avoir entre un répertoire graphique et ses imitations, mais maintenant cette polysémie conditionnante de l'acte d'imitation est elle-même un phénomène extrêmement robuste et conditionne l'ensemble des exemples que j'ai évoqués. Donc on a véritablement ici quelque chose comme une interprétation immanente à la langue facilite, autant que faire se peut, un acte spontané d'invention culturelle, si vous voulez. Par là, j'entends l'imitation de l'écriture sous forme de lignes ondulées. Donc oui, j'avais été guidé un petit peu dans cette intuition par mon propre terrain chez les Charanawa, où le même mot que de veut dire à la fois les motifs graphiques du répertoire ornemental traditionnel et l'écriture. Et là, vous avez quelques motifs graphiques sur le côté. Néanmoins, et je terminerai l'argument après, ça pose un nouveau problème, c'est-à-dire que le rapprochement linguistique de l'écriture et des répertoires graphiques permet certes d'expliquer la similarité des imitations d'écriture chez des peuples amazoniens très éloignés les uns des autres dans l'espace et dans le temps, mais on se retrouve maintenant avec un nouveau problème, c'est-à-dire on a expliqué la robustesse d'un phénomène d'invention culturelle par la robustesse d'une polysémie linguistique, mais il faut maintenant expliquer cette robustesse d'une polysémie linguistique, puisqu'elle a été réinventée dans 50 langues différentes. Donc on a 50 actes de nomination d'un phénomène nouveau par un même mot. Il y avait des alternatives. On aurait pu faire un emprunt lexical, ce qui arrive très souvent vis-à-vis des possessions de la culture matérielle et de la technologie intellectuelle des Blancs. Un livre, par exemple, est systématiquement désigné dans les langues amazoniennes, dans la plupart des langues amazoniennes que je connaisse en tout cas, par un emprunt au brésilien ou à l'espagnol. Et ça aurait pu être un néologisme, pourquoi pas, ça aurait pu être une polysémie alternative, pourquoi pas, non. À chaque fois, c'est cette polysémie-là qui a gagné et pas une autre. C'est-à-dire la comparaison entre les répertoires graphiques traditionnels et les lignes d'écriture. Donc ça pose un problème, pourquoi ? Et c'est là que je me sépare de mes amis anthropologues qui me considéraient comme un diable et un démon, parce que je pense qu'il est assez simple de trouver une solution en allant du côté de la neurobiologie et de l'imagerie cérébrale. Dans certains travaux qui ont été résumés à grands traits par Stanislas Dehaene en 2007 dans un bouquin très lisible et très intelligent, même pour un historien de l'écriture qui s'appelle « Les neurones de la lecture », et il a montré en particulier que énormément de travaux en imagerie cérébrale convergeaient pour isoler une petite partie du cerveau, le cortex occipito-temporal ventral, j'adore, comme une région qui était spécialisée dans la lecture, dans la reconnaissance des signes d'écriture. Ce qui est complètement improbable. L'écriture, je vous rappelle, a été inventée il y a 5000 ans, pas plus. Le cerveau mute pas à une vitesse aussi rapide, et il est quand même relativement étonnant qu'une région spécialisée du cerveau soit utilisée pour décoder une invention culturelle qui n'a pas plus de 5000 ans. Donc certes, il y a une plasticité cérébrale, mais à ce point-là, c'est quand même un peu hallucinant. Et donc toute l'argumentation de Stanislas Dehaene consiste à dire que cette partie du cerveau, cette zone du cerveau, était initialement utilisée pour reconnaître des protoformes, pour reconnaître les angles, les incidences d'angle droit à l'intérieur de la nature, pour des raisons de survie essentiellement, et que donc elle a été sélectionnée par l'évolution, et que c'est cette zone-là qui est spécialisée dans la reconnaissance de ces protoformes, hein, qui prennent la forme de T, de E, de Y et de F, ou de choses comme ça, qui a été recyclée dans la reconnaissance de l'écriture. Et c'est ce qui permet de comprendre pourquoi les écritures ont cette ère de famille et pourquoi elles ont convergé vers certaines formes standards qui sont plutôt angulaires, qui... Bon, il y a toute une série de travaux maintenant qui se développent autour de ça Et donc l'expérience était assez élégante en fait. On s'est rendu compte que certains neurones déchargeaient en présence d'une image plutôt que d'autres. Et on a simplifié les traits de l'image progressivement pour voir exactement en face de quoi ces neurones déchargeaient là. Et on est arrivé ensuite à des formes extrêmement simples, basiques, qui ressemblaient effectivement à des T, des E, on a appelé ça des proto-lettres. Et c'est effectivement, et la fonction de cette capacité cognitive serait de reconnaître instantanément les objets visuels malgré les aspects variés qu'ils peuvent présenter visuellement à la perception. Hein. Et il me semble que l'on peut généraliser ces résultats et envisager le fait que l'écriture alphabétique et les répertoires graphiques amazoniens, hein, qui sont de cette forme-là, donc relativement semblables à des signes discontinus d'écriture, en fait, concernent la même zone cérébrale et que leur perception active donc très probablement la même aire cérébrale, la région occipito-temporale gauche, et que cette puissante contrainte cognitive permettrait d'expliquer simplement pourquoi une même polysémie a été inventée 50 fois dans 50 situations différentes en Amazonie, pourquoi cette polysémie a gagné contre toutes les autres polysémies, contre l'emprunt, contre le néologisme. Voilà, ça c'était mon premier argument, on passe au deuxième. Je vais regarder quand même si j'ai un petit peu de temps. Ouais, le deuxième, c'est... on va passer au deuxième point, parce que là, grosso modo, j'en suis resté aux quatre premières lignes de la leçon d'écriture, c'est-à-dire à tous ces dammiquara qui reproduisent des lignes d'écriture sans savoir de quoi il est question. Simplement, ce que Lévi-Strauss dit, c'est que le chef dammiquara, Julio A1, lui, il était allé plus loin que les autres. Il avait un peu tout compris. Seul, sans doute, il avait compris la fonction de l'écriture. Et donc, il décrit un petit peu le dialogue qu'ils ont pu avoir ensemble et comment Julio faisait mine de... Enfin, en tout cas, avait compris qu'il y avait association entre un signe graphique et de la parole, du discours oral, et que déjà, là, il y avait un premier pas dans le sens de la compréhension de l'écriture, et qu'ensuite, ils s'en servaient comme essentiellement un moyen d'oppression contre son groupe pour gagner du pouvoir à leurs dépens. Alors, aux dépens de quoi, ça, je ne sais pas véritablement. Mais tout cela est tout à fait intéressant, et ce que je propose, personnellement, c'est qu'on interprète l'écriture, et en particulier la lecture, parce que c'est ça qui est original chez Julio, c'est non pas son interprétation de l'écriture. Son interprétation de l'écriture est déjà assez original, puisqu'on a une réflexion sur la sémiotique de ce que c'est que l'écriture, c'est-à-dire l'association d'un signe graphique et d'un discours. Mais ce qui est important, c'est le fait qu'il lise devant son peuple, pendant cette cérémonie pseudo-traditionnelle d'échange de marchandises, qu'il fasse semblant de lire son papier. Ce faisant, il donne à son discours traditionnel, hein. On est dans une cérémonie où le chef doit faire preuve d'un certain type de rhétorique. Et par ailleurs, Lévi-Strauss, dans d'autres pages, qui ne sont pas d'ailleurs dans les Frissons Tropiques, mais dans des articles sur guerre et commerce en Amérique, ou sur le statut du chef en Amazonie, explique que le discours de Julio, dans cette circonstance précise, était plein de rhétorique, et était extrêmement formalisé, et qu'il a parlé pendant plusieurs heures. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est qu'un monologue pendant plusieurs heures, c'est nécessairement du discours rituel, en tout cas du discours formalisé. Et donc, globalement, ce qui se passait dans cette interaction, c'est que Julio ne mettait pas en jeu dans le discours qu'il faisait au Nambiquara sa propre autorité. Il mettait son autorité, mais en tant que chef, en tant qu'il répétait un certain nombre de structures formelles d'un discours qui lui-même était traditionnel. Et c'était en tant que chef qu'il essayait de convaincre, ou en tout cas de faire passer quelque chose, de construire quelque chose comme une situation rituelle entre les différents groupes Nambiquara qui étaient en présence. Mais c'était plus que ça. L'exhibition de l'écriture, l'exhibition du livre, l'imitation de la lecture d'une écriture était une manière pour lui de montrer qu'il avait établi une alliance avec un chef blanc. Et effectivement, Lévi-Strauss était un chef puisque lui-même avait sa propre expédition. Il faut oublier qu'on ne faisait pas du terrain tout seul à l'époque. Il n'avait pas seulement sa femme avec lui, il n'avait pas seulement un correspondant brésilien avec lui, il n'avait pas seulement un médecin d'équipe, Jean Vélard, avec lui, qui par ailleurs pratiquait la chasse aux indiens Guayaki dans son temps libre. Il avait en fait beaucoup de porteurs, une quinzaine de mulets, enfin vous voyez, en fait, le groupe de Lévi-Strauss était aussi important numériquement que le groupe des Nambiquara. Donc Lévi-Strauss pouvait effectivement apparaître comme un chef à peu près à l'égal de Julio, qui était un chef des Nambiquara. Et ce faisant, en montrant en montrant l'écriture, en montrant le pur signe de l'autorité du blanc, en tout cas de l'autorité de ce chef blanc qui était là et qui s'appelait Lévi-Strauss, Nnamdi Kouara essayait simplement de capter son autorité, de capter l'autorité du blanc. Et comme il avait compris qu'il y avait un lien entre les signes graphiques et le discours, montrant ce papier, montrant ce qu'il pouvait considérer comme un texte, en tout cas comme du signe en rapport avec un discours, il ajoutait une dimension d'autorité à son propre discours, qui est celle du chef blanc. Ce faisant, il devenait bien évidemment pas un chef blanc, hein, je suis pas Diderot de Castro, mais en tout cas il prenait la position d'un chef blanc à un moment donné pour essayer de convaincre. Et ça, c'est pas inintéressant en fait, puisque bon, c'est l'analyse B que je pourrais faire de cette leçon d'écriture, celle qui m'intéresse le moins, celle qui m'aurait intéressé le plus si j'étais ethnographe, parce que là j'aurais pu effectivement m'intéresser au discours qui était mis en jeu par Julio et à toute la réflexivité interne qu'il y aurait eu dedans. Ce qui m'aurait intéressé aussi, c'est de récupérer le papier de Julio et de voir un petit peu les signes qu'il avait écrits là-dessus. Et ça, pour le coup, Lévi-Strauss ethnographe, il n'en avait pas grand-chose à faire, mais aujourd'hui c'est ça qui m'intéresserait. Je ne peux hélas pas aller beaucoup plus loin, simplement ce que je peux dire, et ce que par ailleurs vous pouvez retrouver sur mon blog si ça vous intéresse, toutes ces histoires-là, c'est qu'on retrouve ce type d'interprétation de l'écriture, de la lecture et du livre comme captation de l'autorité des colons blancs, aussi bien dans les stratégies de chefs amazoniens. Je vous ai vaguement dit tout à l'heure par allusion que Max Schmidt, un explorateur en 1910 chez les Parécis, avait vécu une anecdote tout à fait comparable à celle de Lévi-Strauss chez un chef parécis. Mais on retrouve ça dans de nombreux rituels chamaniques, dans des mouvements prophétiques toujours en Amazonie. Et dans tous les cas, c'est pas l'apparition du pouvoir, encore moins de l'État, mais l'appropriation d'un principe de légitimation supplémentaire dans un cadre discursif et dans une série de figures d'autorité énonciative qui lui préexistent. Et ces autorités énonciatives, ça peut être le chef idéal, donc qui fait le discours de chef, dans le cas du politique, ça peut être les esprits, dans le cas du discours chamanique, on va voir des lectures par des chamans où les esprits transmettent des livres, par exemple, ou mieux encore, où le chaman devenant esprit devient capable de lire une écriture qui par ailleurs est asémiotique. Ou encore des entités surnaturelles telles qu'elles apparaissent assez typiquement à des prophètes qui initient des mouvements messianiques. Et ça, on retrouve ça, j'ai retrouvé pas mal d'exemples dans le nord de l'Amazonie, dans les Guyanes, sur lesquels là je ne vais pas m'étendre, je peux en parler éventuellement si ça vous intéresse ensuite. Mais qui mettent en jeu à peu près le même type de captation d'autorité du colon blanc. Alors là, entre parenthèses, on pourrait se demander, c'est vraiment étonnant, puisque Lévi-Strauss aurait dû lire le texte de Max Schmidt sur les voisins des Nnamdi Kouara qui donnait exactement la même anecdote. C'est très étonnant qu'il ne l'ait pas fait, d'autant plus qu'il cite des textes de Max Schmidt sur les parécis. Max Schmidt n'en a écrit que trois, on n'en a publié que trois en tout cas, et il cite les deux autres, mais pas celui qui contient l'anecdote de l'imitation d'écriture. Cette anecdote prend quand même un bon tiers de l'article. Il y a 5 ou 6 iconographies d'imitation d'écriture par des Indiens. C'est très étrange que Lévi-Strauss n'ait pas pris ça en compte. On ne peut pas l'accuser de plagiat, puisque j'ai demandé à sa secrétaire qui m'a dit qu'il ne lisait pas l'allemand. Donc, de toute évidence, c'est quelque chose qui est passé à côté. En tout cas, on est à 10 km de distance, hein, et on a exactement les deux mêmes anecdotes à 20 ans d'écart. C'est quand même relativement étonnant. Voilà pour la deuxième partie. Troisième partie, et dernière. Voilà, jusqu'à maintenant, j'ai fait comme si on savait tous ce que c'était que l'écriture, si c'était simple, tout ça, blabla. Non, en fait, c'est pas nécessairement très simple puisque c'est qu'une écriture. Et pour mon troisième argument d'interprétation de l'anecdote de Lévi-Strauss, je voudrais revenir un tout petit peu sur ce que c'est qu'une écriture, puisqu'il va falloir que je vous en présente une nouvelle définition. Et ensuite, mon hypothèse, c'est ça, mais peut-être que Lévi-Strauss aurait assisté à la naissance d'une écriture et qu'il ne s'en est pas rendu compte, et que finalement, ce que faisait le chef Julio était une écriture. Dans un certain sens. Certainement pas dans celui de Derrida, pas dans celui qu'on trouve dans les dictionnaires, mais dans un sens que je vais essayer de vous expliquer et qui, je pense, est productif, est intéressant et permet de comprendre les choses. Donc d'abord, on revient au sens standard, celui du dictionnaire, et enfin, peut-être un peu amélioré. Et l'écriture, ce qu'on entend par écriture en général, c'est simplement une technique de notation de la langue. Et on a deux manières de noter les langues. Les écritures notent les langues avec toujours les deux mêmes procédés sémiotiques, soit la logographie, soit la phonographie. Et c'est pas du tout un ou exclusif, c'est un et en fait. C'est-à-dire que toutes les écritures sont à la fois logographiques et phonographiques. Qu'est-ce que c'est que la phonographie ? C'est simplement la notation de la sonorité de la langue. Vous avez une petite intuition de ce que c'est qu'un alphabet. À chaque lettre correspond un son, normalement et idéalement en espagnol par exemple, ça fonctionne comme ça. Et à chaque son correspond une lettre, là aussi, normalement. Quant à la logographie, fonctionne très différemment. C'est un signe correspond à un mot de la langue. On a un aspect logographique de notre écriture française dans le simple fait que l'on sépare les mots par un espace blanc, en fait, qui est un signe zéro, et qui donne un aspect logographique à l'écriture la plus phonographique qui puisse exister, à savoir l'alphabet. Mais il ne faut pas croire que ça soit un absolu. Toutes les écritures du monde sont à la fois phonographiques et logographiques. L'écriture chinoise, par exemple, on présente la plupart du temps comme une écriture logographique, une écriture d'idées, une écriture de mots, est en fait composée à 80% des signes complexes dans lequel il y a un élément phonographique qui donne la valeur phonique du mot qui est transcrit par le signe. Donc là, vous avez typiquement les composants phonétiques à l'intérieur de signes qui sont par ailleurs logographiques en chinois. Donc si vous voulez, pour avoir une vision un peu plus critique de ce que c'est qu'une écriture, de ce qu'on entend par écriture en général, c'est quelque chose qui emploie les deux, c'est une technique graphique standardisée de notation de la langue qui d'un côté note tendanciellement des mots, de l'autre côté note tendanciellement des sons. Et vous pouvez déplacer sur un curseur qui sera celui de la répartition des écritures existantes. D'un côté, des écritures qui sont plus logographiques, comme le chinois, où chaque mot correspond à un signe, même si ce signe contient un composant qui donne sa valeur phonétique. Et de l'autre côté, des langues comme le finlandais qui sont extrêmement transparentes, c'est-à-dire dans laquelle un signe correspond un son et à un son correspond un signe. Le français et l'anglais, comme vous le savez, sont infiniment moins transparents. Et de la même manière, le japonais n'est pas seulement logographique, inclut des syllabaires, donc des sons qui ont un pur référent de syllabe, le son c'est la syllabe, ou le coréen qui est un petit peu différent. Et on pourrait mettre ensuite la notation purement phonétique, celle qu'on utilise, qui n'est jamais purement phonétique, hein. On note jamais tout, mais l'alphabet phonétique international est quand même plus purement phonographique que quoi que ce soit d'autre. Quant à certains codes cryptographiques qui consistent à crypter avec des chiffres, des mots, peuvent aller tendanciellement vers la logographie pure, mais bon. Voilà, donc ça c'est pour vous donner une idée de ce que tout le monde sait en fait en linguistique de l'écriture depuis globalement les années 80. Et ce qu'on ne trouve pas hélas dans les coffee table books, il se trouve que la théorie de l'écriture est un parent pauvre des sciences humaines en général. C'est pour ça que je m'y amuse tellement et pour ça que je m'y plais tellement. C'est-à-dire que, en général, on tombe sur une écriture, on peut faire une théorie. C'est pas très difficile et c'est un peu catastrophique. On trouve des dizaines et des dizaines de livres sur l'écriture dans l'histoire et les civilisations qui répètent les mêmes âneries. Et du coup, c'est assez facile finalement d'arriver à innover conceptuellement dans ce champ-là. Donc je vous le conseille par ailleurs si vous n'avez rien d'autre à faire. Et donc voilà, moi je pars de cette définition standard linguistique de l'écriture pour proposer une autre définition, légèrement plus généreuse, je veux dire simplement, qui serait des écritures, on pourrait les considérer comme des techniques de notation du discours. Donc ça veut dire on fait juste un petit pas de côté et on ne les considère pas comme une technique de notation de la langue, donc de ses sonorités ou de ses mots, mais comme une technique de notation du discours. Donc la sémiotique des signes ne change pas de manière significative. Les signes, ils peuvent toujours noter soit des sons, soit des mots. C'est pas très important. Mais si on prend cette définition-là, alors on se rend compte qu'il y a plein de techniques graphiques d'inscription qui sont sélectives, qui sont partielles, si vous voulez, qui n'écrivent pas l'intégralité du flux de la langue, que ce soit l'intégralité des mots, que ce soit l'intégralité des sons. Et ces écritures partielles ou sélectives, vous les appelez comme vous voulez, n'ont pas du tout cette vocation à être des écritures intégrales, puisque du coup, les écritures par défaut, je les appelle des écritures intégrales, dans la mesure où je les différencie des écritures sélectives. Et qui permet de définir ces écritures sélectives, c'est qu'elles ne notent que certains mots et pas d'autres, de certains discours et pas de tous les discours. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas du tout vocation à écrire n'importe quel mot de n'importe quel discours. Elles ont vocation à écrire certains discours, en général des discours traditionnels, donc il importe qu'ils soient transmis à peu près tel quel d'une génération à l'autre, et certains mots qui ont été rigoureusement sélectionnés selon des règles précises, qui utilisent des moyens sémiotiques standards et qui ne se substituent pas à la transmission orale, ce que peut faire l'écriture au sens standard, même si elle ne le fait pas toujours d'ailleurs. Les écritures sélectives, elles ne se substituent pas à la transmission orale, elles l'accompagnent et la contraignent. Bon, c'est un peu abstrait, je vous donne un exemple étudié par un anthropologue italien qui s'appelle Carlo Severi et qui est à la fois un cas limite en fait, donc il n'est pas extraordinaire pour étudier le concept dans toute sa généralité, mais au moins il est très très clair. Il s'agit des Kuna, on est dans le Panama en fait, où il y a une institution chamanique assez, assez très développée, très intéressante, qui se transmet de très longs chants rituels de génération en génération, et ces chants-là doivent être appris par cœur, et la fidélité de leur institution est fondamentale dans l'efficacité potentielle qu'elles peuvent avoir dans la cure. Donc il y a un véritable intérêt pour ceux qui apprennent ces chants-là à les apprendre le plus fidèlement possible. Si vous voulez, il y a une condition épistémologique qui est transmise en même temps que le chant et qui dit il faut apprendre ce chant-là par cœur, et si vous ne l'apprenez pas par cœur, alors ça se passera mal. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le cas du mythe, qu'on peut répéter à peu près selon un schéma narratif assez vague, mais le verbatim là est un enjeu, un véritable enjeu. C'est pour ça que ce type de chants d'ailleurs sont extrêmement structurés, selon le parallélisme pour le coup, où ce que vous pouvez voir là, c'est un extrait de chant extrêmement paralléliste, type Navarro d'ailleurs, où vous voyez que ce qui est écrit en gras, c'est ce qui change dans chacune des lignes, et ce qui n'est pas écrit en gras, c'est ce qui se répète. C'est-à-dire que vous pouvez faire une différence entre ce qui est variable en gras et ce qui est constant. Donc au loin, là où se lève le canoë du soleil, un autre village apparu, le village des singes apparu. Là où se lève le canoë du soleil, un autre village apparu, le village qui s'enroule comme un fil apparu. En fait, c'est en un seul mot, français en Kuna, donc là vous avez le problème de la traduction habituelle. Au loin, là où se lève le canoë du soleil, un autre village apparu, le village de la jupe apparu. Donc, je ne vais pas continuer, hein, mais l'idée c'est qu'il n'y a rien de mieux pour stabiliser du discours dans le cerveau humain, c'est de lui donner une forme chantée, de lui donner le même nombre de pieds, on peut le faire rimer aussi, ça fonctionne pas mal. Et surtout, le parallélisme c'est très très bien, c'est-à-dire mettre beaucoup de constantes qui pèsent très peu sur la mémoire humaine, et mettre des variables ordonnées les unes derrière les autres, c'est celles qui pèseront véritablement sur le travail de mémorisation. Dans le contexte d'une tradition orale comme ça, il est possible de construire une écriture sélective de manière simple, c'est-à-dire en écrivant à chaque fois la variable et seulement la variable. Et ça nous donne ça, qui est un texte, on peut appeler ça un texte d'écriture sélective des Kuna, dans lequel apparaît de manière systématique la variable du chant. Donc ça se lit de cette manière-là. Tac, tac, tac. Et là, vous avez la variable singe qui apparaît. Donc ça, c'est un village. Vous avez la variable singe. Là, vous avez la variable qui s'enroule comme un fil. Là, vous avez la variable jupe. C'est ce triangle. Et là, vous avez la variable liane, si vous me souvenez bien. Et donc voilà, l'intérêt dans ce type d'écriture, c'est d'écrire la variable. On n'est pas du tout obligé. On peut écrire la constante. Là, on voit que quelque chose comme la constante a été indiqué, mais ce n'est pas du tout une obligation. Et en tout cas, on n'a certainement pas écrit l'intégralité des mots du chant que je vous ai cité rapidement. On en a noté de manière ordonnée simplement des parties, celles qui pèsent le plus sur la mémoire humaine, celles qui sont le plus difficiles à mémoriser puisqu'elles ne se répètent pas. Donc les parties qui ne se répètent pas sont notées, et ça, on peut appeler ça une écriture sélective. Voilà. Des écritures sélectives, on en trouve pas mal en Amazonie. Ouais, elles peuvent prendre la forme de cordelettes à nœuds, c'est-à-dire les simples nœuds, les uns derrière les autres, de ce chaman Yagua, désignent un nom propre dans une généalogie d'ancêtres qui doit être retenu de manière linéaire et qui doit surtout être chanté de manière rituelle dans le cadre d'une cérémonie d'initiation qui a certes aujourd'hui disparu, mais que Jean-Pierre Chemeil a un petit peu documenté, ou du moins il a essayé de la documenter. Et donc là, vous avez la forme zéro en fait de l'écriture. Hein, mais avec des cordelettes nouées, vous pouvez faire des kipus. Et dans les Andes, on a pu développer cette forme d'écriture de manière assez impressionnante. Donc il ne faut pas maîtriser les cordes à nœuds. Ce n'est pas seulement des techniques de compute éventuelles. Ça peut être aussi des manières d'écrire. Ça peut être des textes, tout simplement. Et du coup, une trentaine de cordelettes à nœuds attachées, comme on peut en voir au musée du Quai Branly ou n'importe où, on peut considérer ça comme des bibliothèques sans aucun problème. En tout cas, moi, je le considère tel quel. Autre exemple, en Amazonie, chez les Técols, on est en Guyane française, qu'on appelle en fait les émerillons, et qui ont une cordelette composée chaque fois d'une petite pièce en balsa, en poil de pécari, et qui, chacune de ces pièces est un nom qui apparaît dans comme une variable dans une structure paralléliste d'un champ. Donc ce faisant, ça, c'est un texte à nouveau, c'est-à-dire une transcription sélective à chaque fois, ça n'est pas l'intégralité du champ qui est transcrit par cette cordelette qui fait se succéder des signes les uns derrière les autres, des signes graphiques, des signes matériels pour le coup. Hein. Voilà, dans le cas toujours d'un rituel, et on ne note pas n'importe quoi avec ces signes-là, hein. On note seulement ces discours-là, c'est pour ça qu'on appelle ça, que j'appelle ça d'ailleurs des écritures attachées. Et encore un autre exemple d'un copain qui s'appelle Pedro Cesarino et qui se rapproche un poil plus de ce que on revient un petit peu là à Lévi-Strauss, puisque ce qu'a fait Pedro Cesarino quand il est arrivé chez les Marbugos du Brésil, c'est comme son prédécesseur Lévi-Strauss, mais comme Karl Vandensteinen en 1895, il a distribué des crayons et des feuilles aux Indiens avec l'espoir que les Marbugos feraient des choses géniales. Et comme lui, il s'intéressait au chamanisme, il l'a plutôt distribué aux chamans, et les chamans ont fait des choses géniales, de fait. Et il est toujours en train d'étudier un corpus énorme de quelque chose comme 150 dessins. Et là, j'ai pas la transcription du chant, mais il faut que vous pouvez imaginer, d'ailleurs, vous voyez 6 parties graphiques où chaque fois il y a un arbre qui est relié par un chemin à un tronc d'arbre, en fait, sur lequel il y a un personnage, et chacun de ces éléments, l'arbre qui est en fait un village, le tronc d'arbre qui est en fait un ancêtre, le personnage qui est en fait un esprit, en tout cas un certain type d'esprit, est une variable dans un champ paralléliste, très très paralléliste, là aussi type Kuna pour le coup, et ça c'est un texte, tout simplement, un texte en écriture sélective en tout cas, qui permet de transcrire ce champ rituel. Ce en quoi il est différent des deux autres que je vous ai montrés, c'est-à-dire de la cordelette Teco, celle-là, ou de la cordelette à nœud des Yagua, c'est que dans ce cas Marubo, il n'y a absolument aucune tradition qui préexiste. Tandis que ces deux cordelettes que vous avez vues, probablement ont fait l'objet de transmissions pendant longtemps. J'ai même trouvé au XVIIe siècle, en Guyane française, la description d'un objet qui pourrait tout à fait être la cordelette Teco. Donc on a quelque chose, un phénomène culturel, une technologie intellectuelle en tout cas qui s'est stabilisée pendant un bon bout de temps. Là vous avez une invention, c'est-à-dire que les Marubos n'avaient pas du tout, avant l'arrivée des ethnologues, la connaissance du papier et du crayon et n'avaient pas du tout construit quelque chose comme une tradition graphique. Donc on n'est pas du tout dans le contexte de l'apprentissage et de la transmission d'un chant rituel, quoique, après tout, c'était la transmission à un ethnologue, à Pedro Cesarino. Mais en tout cas, il y avait quelque chose comme l'invention. Je considère que le moment où Pedro Cesarino est arrivé chez les Marubos leur a donné des crayons, et plutôt que de faire des dessins de tapis ou de choses comme ça, ils ont mis en place un système graphique extrêmement standardisé, stable, pour transcrire leur chant rituel. Alors il y a eu quelque chose comme une invention d'écriture qui s'est passée à ce moment-là. C'est mon interprétation, Pedro ne serait pas nécessairement d'accord avec moi, je tiens à le dire aussi. Du coup, on revient à Lévi-Strauss. A-t-il été témoin de l'invention d'une écriture sélective? Alors là, vous allez me dire, c'est un petit peu loin quand même, entre tout ce que je vous ai montré et ce que était censé faire le chef Nambiquara Julio, il y a quand même un fossé. Et je suis d'accord. On regarde dans la thèse de Lévi-Strauss et on repère ce croquis du chef Nambiquara qu'il avait écrit dans son carnet. Et ce que vous voyez, c'est simplement une généalogie. C'est-à-dire, Lévi-Strauss, à ce moment-là, il voulait essayer de récupérer un maximum de noms propres. Or, il y a un tabou sur les noms propres chez les Nambiquara, comme chez pas mal de gens. En tout cas, excusez-moi, sur les noms propres des gens défunts. Donc, c'est très difficile d'aller en amont dans les généalogies. Et donc là, vous avez quelque chose comme une généalogie. Est-ce que c'est une écriture sélective? Absolument pas. Ça en a certes la tête, c'est un croquis généalogique. Qui en possède les caractéristiques les plus typiques, c'est-à-dire c'est relativement simple, il y a quelque chose comme une liste de noms propres, hein, c'est une généalogie, qui suit un ordre précis de descendance, d'alliance, verticale, horizontale, hein, comme vous pouvez le voir, ceux qui sont sur la même ligne horizontale, c'est en général des alliances. Ceux qui sont sur une ligne verticale, c'est de la descendance, de la filiation. Hein. Mais bon, ça ne fait pas du tout une écriture, en fait, puisqu'il n'est pas question de réciter cette liste, ni de la transmettre, ni de la compléter avec des formules enchâssantes qui seraient constantes ou des récits ordonnés. Il n'y a pas de discours à stabiliser dans ce contexte-là. Il n'y a rien, il n'y a pas de discours cible dont l'écriture serait le texte. Ceci n'est pas un texte, donc ceci n'est pas une écriture sélective. C'est pour ça aussi que ça a été, quand j'ai essayé d'élaborer ce concept d'écriture sélective, beaucoup de lecteurs m'ont dit « Oui, mais du coup, en fait, n'importe quel système graphique est une écriture sélective. » Non, il y a probablement beaucoup moins d'écriture sélective que d'écriture intégrale. J'en fais le répertoire, hein, moi, ces dernières années. Ce que j'ai trouvé, évidemment, il y en a énormément qui ont dû disparaître dans l'histoire de l'humanité, ça va de soi, mais j'en trouve à peine une vingt-trentaine, si vous voulez, qui soient à peu près correctement déchiffrées, alors que des écritures, il y en a des centaines, de fait. Donc non, c'est un concept qui n'est pas fait pour élargir la notion d'écriture à quelque chose qui serait l'intégralité. Je ne suis pas Derrida, en clair. Mais c'est un concept qui permet d'isoler de fait un phénomène culturel précis et de l'étudier de manière un petit peu plus détaillée. J'en viens à mon argument. Petit ultime retour à la leçon d'écriture. On est toujours dans ce... Je vous en refaire une lecture. C'est vraiment de la leçon, en fait. Ça repose sur la répétition. C'est un peu comme ça que j'ai pensé ce truc. Or, à peine le chef Nambikwara avait-il rassemblé tout son monde, qu'il tira d'une hotte un papier couvert de lignes tortillées qu'il fit semblant de lire, et où il cherchait avec une hésitation affectée la liste des objets que je devais donner en retour des cadeaux offerts. À celui-ci, contre un arc et des flèches, un sabre d'abattu, à tel autre des perles pour ses colliers. Donc j'espère que vous voyez globalement où je veux en venir. Alors certes, en remettant à l'endroit le discours dont il était question, puisque la manière dont on le transcrit des Lévi-Strauss, il ne faut pas oublier, d'une part qu'il ne parlait pas Nambikwara, d'autre part qu'il se piquait de style quand il écrivait les Tristes Tropiques, que donc il adorait faire ce type d'inversion des mystiches. Mais le plus probable, c'est que le discours rituel qu'on a derrière, ce soit quelque chose qui est la structure à celui-ci contre un arc et des flèches, un sabre d'abattu, à tel autre contre ses colliers des perles, c'est-à-dire une structure parallèliste extrêmement typique avec un nom propre. On peut imaginer que celui-ci, tel autre, était nommé effectivement comme la personne présente qui était là, donc on prononçait son nom propre. L'objet donné, l'objet reçu, cela probablement enchâssé par des formules constantes de rhétorique. En tout cas, le discours faisait 2 heures. Donc si pendant un discours de 2 heures, il n'y avait que ce type-là dénoncé, ça serait un peu triste et très très répétitif. Donc je ne doute pas une seule seconde que c'était très répétitif, comme tout discours rituel est extrêmement répétitif. Mais on peut imaginer que c'était un peu plus riche que ça. Et dans ces conditions-là, l'hypothèse qui peut arriver, c'est... Si le discours de Julio, du chef Nambikwara, il était composé de constantes et de variables, comme dans un style parallèliste typique, est-ce qu'on pourrait penser éventuellement que le chef Nambikwara, il a fait comme les chamans Marubo face à Pedro, à savoir qu'il a utilisé les signes graphiques, son imitation de l'écriture, comme effectivement une écriture, c'est-à-dire que chaque variable aurait été notée par un signe discontinu. Ça, c'est mon hypothèse. Et ça va rester une hypothèse néanmoins. Je pense qu'elle peut être fortifiée par un exemple qu'on va chercher en Guyane britannique, chez les populations Capon, qui aujourd'hui encore se transmettent de longs chants rituels qui ont cette forme-là, qui sont extrêmement répétitifs et qui sont répétés comme ça, le trône des vêtements, le trône des perles, le trône de la nappe, le trône du couteau, le trône de la hache, etc., etc. Et vous avez 5 ou 6 genres de chants qui sont de ce type-là, et ça c'est une partie précise du chant qui est en style parallélisme le plus typique que vous puissiez imaginer. Ça c'est une ethnomathématicienne, Suzanne Staat, qui a fait ce travail ethnologique à la fin des années 90, qui a soutenu une thèse en 2003, et qui a publié ça. Ce qui m'intéresse moi dans ce chant, c'est qu'en remontant d'un siècle dans le temps, chez les mêmes populations, à Kawayo, en 1917, un prophète, excusez-moi, j'ai oublié de vous donner un tout petit élément de détail, c'est fondamental évidemment, ce chant rituel fait partie d'une institution rituelle qui n'est pas chamanique, qui est une religion nouvelle qui a été inventée par un prophète à la fin du 19e siècle et qui est intéressante dans la mesure où c'est le seul, à ma connaissance, mouvement prophétique en Amazonie qui se soit stabilisé jusqu'à aujourd'hui. C'est unique. C'est-à-dire que les mouvements prophétiques, il y en a eu d'autres, mais qui en général venaient des populations métisses, qui sont ensuite qui sont diffusés parmi les populations amazoniennes. Mais un mouvement prophétique d'origine amazonienne qui ensuite se stabilise dans un corpus doctrinal, dans un rituel répétitif, dans une église véritablement, hein, qui aujourd'hui est reconnue par la Guyane britannique comme une appellation de la même manière que toutes les églises protestantes qui sont là-bas, et ils en ont pas mal. C'est un cas un peu unique. Donc si vous voulez, vous avez eu un prophète qui à la fin du 19e siècle a eu comme d'habitude une rencontre avec Dieu, il y a Dieu qui lui a parlé, qui lui a dit un paquet de trucs et qui lui a appris, qui d'ailleurs lui a donné des livres et là-dedans il a lu des chants qu'il a ensuite propagés parmi son peuple et ensuite les peuples voisins se sont propagés, ça a bien pris et ça s'est stabilisé jusqu'à aujourd'hui et c'est très intéressant de savoir dans quelles conditions, pourquoi, comment. Je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est pas le but. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui encore, on peut retrouver des chants qui, soi-disant, auraient été inventés, ou pas inventés, excusez-moi, auraient été communiqués par Dieu directement à ce prophète-là, qui s'appelait Bichimong. Moi je veux bien croire que ça, c'est un chant qui circule depuis 100 ans, maintenant, en tradition orale, tout ça, on sait jamais, mais... Ce que j'ai trouvé, c'est un missionnaire jésuite de passage chez les Akawayo, les premiers convertis par Bichimong, en 1917, donc un siècle avant le passage de l'ethnologue chez le même peuple, qui a vu les mêmes chants en fait, qui a entendu à peu près les mêmes chants. Ceci est un bateau rempli de fusils, ceci est un bateau rempli de poudre à fusil, ceci est un bateau rempli d'amorces, etc. Quand vous savez que le terme pour dire trône et pour dire bateau, est le même en fait en langue akawayo, alors vous avez compris qu'en fait ce chant là s'est stabilisé, ou du moins à peu près stabilisé pendant un siècle, ce qui est pas mal, mais ce qui n'est pas complètement étonnant. On a du mal à travailler puisqu'on a du mal à avoir de la profondeur temporelle sur les traditions orales, mais contrairement à ce que dit Goody, il est relativement probable que ça se stabilise pas mal en fait, à partir du moment où ces chants là sont dans des conditions sonores et dans des conditions prosodiques et dans des conditions poétiques extrêmement régulées, alors il n'y a pas véritablement de raison que ça change trop d'un cerveau à l'autre au cours des générations, même si certes ça change. Mais ce qui m'intéresse, c'est que ça allait beaucoup plus loin. Il n'a pas simplement vu le missionnaire jésuite qui a été le témoin de l'existence de ce chant-là, n'a connu cette existence-là que parce qu'il était intéressé par un bout de papier que le prophète, qui était un disciple du prophète original en fait, mais le prophète qui s'appelle Fusto d'ailleurs, lui avait montré, et ce bout de papier en fait c'était ça, dans lequel vous pouvez reconnaître dans un premier temps les bateaux remplis de quoi ? Des variables, qui sont les variables du champ en fait, qui sont le fusil, la poudre à fusil, l'amorce, la munition, le couteau, le vêtement. Et ça, on lui a présenté ça comme l'imitation de l'écriture des Blancs. C'est-à-dire que c'était précisément la copie du livre que le prophète original, Bichimong, avait reçu de Dieu. Et ce livre lui avait été donné. Et ce livre était écrit dans l'écriture, la seule écriture divine, qui était aussi celle que les Blancs connaissaient dans la Bible. Donc si vous voulez, dans ce truc-là, vous avez à la fois un texte sélectif qui, de manière discrète, note chacune des variables d'un chant rituel et une imitation des lignes d'écriture. Donc vous avez là exactement ce que je cherchais, c'est-à-dire à la fois l'acte d'imitation sur lequel on travaille depuis le début, hein, et pourtant un texte. Et je vous ai montré, hein, maintenant on sait que c'est pas le fait que les signes soient pas différents les uns des autres qui importe, hein. Les nœuds d'une corde ne différencient pas. L'important c'est l'ordre, c'est le fait qu'ils se succèdent et qu'ils soient discontinus qui fait que ceci potentiellement, enfin ceci effectivement est un texte. Bon, bah, mon hypothèse, que je pourrais jamais démontrer puisqu'on n'a ni les textes de Julio le chef Nambiquara, ni même ses discours, mais on a en tout cas toute une série de témoignages qui vont dans le sens que peut-être ce que Lévi-Strauss était en train de voir le jour où il a tiré cette morale philosophique sur l'invention de l'écriture, sa naissance et sa concomitance avec l'État, c'était en fait une véritable tentative d'inventer une écriture sélective, et que c'est ce que Lévi-Strauss nous a légué dans son anecdote qu'on connaît maintenant sous le nom de leçon d'écriture. Merci. Merci Pierre, c'était vraiment super passionnant. Et en plus, il y a un côté un peu détective privé dans la façon dont c'est sympa, présent. C'est sympa, ça. J'aime bien le présenter comme ça. Coup, c'est un peu excitant. Je lance peut-être un premier truc. Ouais, on peut parler de complètement autre chose par ailleurs, ou aller beaucoup plus loin. Vous faites comme vous sentez. Écoute, moi j'avais une première question juste par rapport à ça, parce que juste pour revenir sur les exemples de Lévi-Strauss sur lequel tu as conclu, mm-hmm. Il me semblait que dans le bouquin, ce sur quoi tu insistais, c'était de dire que les écritures sélectives permettaient, c'est ce que tu as pointé aussi tout à l'heure, à faciliter en fait la transmission, parce qu'elle jouait sur un certain nombre de facteurs de mémorisation qui étaient plus simples et qui permettaient. Et du coup, toi, comment est-ce que tu réintégrerais ça dans la logique là de on invente une écriture? Parce que ça voudrait. Enfin, comment est-ce que toi, tu dirais, il est là pour préparer un truc qui se rappellerait dans la suite ou, parce que du coup, tu vois, ça facilite la lecture politique de Lévi-Strauss. Alors, de deux choses, une. Effectivement, ça serait le caveat, du coup, tu vois. C'est, certes, il a pu inventer une écriture, néanmoins, c'est l'échec total. La morale de l'histoire, c'est que le chef d'Ambiquoire, Julio, il est abandonné par les siens juste après, et que Lévi-Strauss, il interprète ça comme étant ah là là, les Ambiquoires, ils avaient bien compris qu'avec l'écriture, ce qui arrivait, c'est l'État, c'est le pouvoir coercitif, et qu'il allait devenir un chef très très très méchant, et du coup, ils l'ont abandonné. Bon, si on lit l'ethnographie de très très près, il y avait une famine, une épidémie d'ophtalmie. Le groupe n'avait strictement aucune envie de rencontrer des groupes étrangers parce que potentiellement il y avait un risque de guerre, et ça c'est Lévi-Strauss qui les pousse à faire ça. Il utilise le chef, en fait, le chef Nandikora, pour il en fait un peu, il le manipule, c'est-à-dire qu'il s'entre-manipule les deux chefs. Lévi-Strauss manipule ce chef-là pour récupérer des objets pour le musée de l'homme, pendant que le chef Nandikora essaye désespérément de garder son autorité sur le groupe. Et de fait, il va absolument pas la garder, mais pour des raisons qui sont purement politiques, qui n'ont strictement rien à voir avec l'intuition éventuelle que les Nambikora pourraient avoir de ah là là, avec l'écriture va arriver l'État. Je pense que c'est au moins caricatural de penser en ces termes-là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, cette écriture, elle a échoué. Et ça, globalement, c'est le cimetière des écritures échouées. Ça s'appelle le prophétisme amérindien d'une manière générale. C'est-à-dire que ça, pour le coup, là, on peut en revenir à mon bouquin. Mon bouquin, c'est essentiellement une série d'échecs de prophètes qui sont arrivés. Bon, ça dépend de ce qu'on entend par échec. C'est des échecs temporels. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés, ils ont eu un succès énorme en termes de propagation spatiale. C'est-à-dire qu'en général, Dieu leur a parlé. Ils ont noté le discours de Dieu à l'aide d'une écriture qu'ils ensuite ont propagée parmi leurs disciples. Et pour que ces disciples apprennent ces chants en même temps qu'ils apprenaient l'écriture. Et ça a bien pris dans un premier temps, et ensuite ça s'est cassé la gueule en une génération, et ça c'est à peu près l'ensemble des écritures que j'étudie ont un problème à se stabiliser. Et ensuite ça c'est ma deuxième argumentation, à savoir que pour se stabiliser, il en faut un peu plus. Et en particulier ça aide d'avoir une institution puissante. L'ensemble des écritures sélectives que j'étudie, que je trouve tout simplement, ne sont pas des écritures qui ont été inventées par des chefs dans des contextes politiques. C'est des écritures qui ont été inventées par des chamans dans un contexte d'un rituel qui avait déjà sa propre logique de transmission, qui avait déjà son propre rituel, qui du coup, déjà, il y avait déjà des relations stipulées qui permettaient de stabiliser du discours. Dans ce contexte-là, tu peux stabiliser aussi une écriture. Mais il faut une école, si tu veux, pour avoir une écriture et pour la stabiliser. Clairement, dans le cas d'un chef, il n'y a absolument pas les institutions derrière pour... C'est aussi pour stabiliser l'écriture. C'est aussi la troisième partie de mon argument, qui était de dire, globalement, les écritures, pour que les écritures apparaissent, il faut qu'on en ait besoin. C'est-à-dire, c'est un des problèmes circulaires des théories qui disent que l'écriture apparaît en même temps que l'État. Oui, mais pourquoi faire? Pour noter des transactions marchandes? Oui, mais on avait plein d'autres manières très très développé de noter des transactions marchandes avec des bouliers, avec des systèmes de comptabilité, etc. On n'a pas besoin de noter les sons d'une langue pour noter des transactions marchandes. Ça paraît ridicule, donc il faut trouver une meilleure raison que ça. Et une des raisons, ça peut être effectivement de stabiliser du discours qui demande à l'être. Ce qui marche parfaitement pour les Mayas, vous savez que, bon, je refais un tout petit peu de contexte, l'écriture elle a été inventée 4 fois dans l'histoire de l'humanité, seulement 4 fois. En Mésopotamie, en Égypte, globalement vers moins 3000, à peu près en même temps. Chaque fois les spécialistes égyptologues ou assyriologues ils disent non, c'est nous les premiers, non, c'est nous les premiers. La dernière découverte en Égypte tend à montrer que c'est les Égyptiens qui sont avant les Sumériens, mais bon, enfin, ça dépend de la prochaine découverte archéologique. En ce moment, à l'Irak, on fait pas trop de fouilles là-bas. Ni en Syrie d'ailleurs, et donc ça va prendre du temps. En tout cas, les Égyptiens risquent de gagner la course à l'ancestralité de leur écriture pendant un long temps. Et la troisième écriture, c'est la chinoise, vers 2000 avant Jésus-Christ, et la quatrième écriture, c'est la maya, vers moins 500 globalement. C'est les datations, c'est on en est pour l'instant là, quoi. Et possible qu'on trouve des choses dans le futur. L'écriture maya a toujours été utilisée pour noter du discours actuel. Pas d'autres, donc mon hypothèse fonctionne parfaitement. Qu'est-ce qu'on avait besoin? L'écriture maya a été inventée pour stabiliser du discours rituel dans le contexte d'institutions complexes qui se transmettaient du discours rituel. L'écriture chinoise, pour autant qu'on sache, les premiers textes qu'on a, ce sont des discours rituels en style ultra paralléliste pour le coup. Donc ça c'est l'ensemble des premiers textes sont de ce type-là. Et pour l'Égypte, c'est des panégyriques de rois. Donc là aussi du discours profondément rituel, et pour la Mésopotamie, c'est l'exemple qui me convient le moins, c'est du contrat en fait, c'est uniquement des contrats. Donc dans quelle mesure on peut dire que c'est un discours para-rituel, le contrat oral que quelqu'un pouvait passer avec quelqu'un d'autre, il fallait effectivement stabiliser ça pour en garder une archive et pour le répéter, puisque les contrats quand ils étaient oraux, c'était des choses qui se répétaient, qui devaient imaginer ce que c'est qu'un contrat en tradition orale. C'est relativement intéressant de savoir ce que peut être le statut de la preuve en tradition orale. Et probablement, il y avait là un espace problématique qui a fait surgir quelque chose comme l'écriture mésopotamienne dans ce contexte-là, qui serait para-rituel, mais qui pourrait, à un certain degré de généralité, correspondre à ce que j'entends par on invente une écriture parce qu'on veut stabiliser du discours dans le cadre d'une institution donnée. On va dire que c'est peut-être en Mésopotamie les notaires qui ont inventé l'écriture. Alors que c'est des scribes royaux à la fois en Chine, chez les Mayas et en Égypte. Donc voilà, c'est ma réponse un peu tortueuse à ta question. Peut-être que j'ai perdu la question entre temps. Non, en fait, moi, ça venait juste de l'impression, et c'est un peu confirmé par ce que tu l'as dit là, où moi j'étais un peu perdu à la lecture du livre, là, où tu disais que l'écriture permettait de stabiliser un certain nombre de discours qui étaient oraux à la base, et que l'écriture intégrale remettait un coup de vis dans cette histoire-là, et qu'en même temps, l'écriture dépendait elle-même d'institutions qui devaient être stabilisées elles-mêmes, sinon l'écriture s'écroulait. Bien sûr. Et donc du coup, il y avait un peu de double mouvement. Hein. L'écriture stabilise, mais elle a besoin d'être elle-même stabilisée pour pouvoir stabiliser ce qu'elle stabilise. Bien sûr, et ça c'est tout le problème, tout phénomène social est fait de représentation, de méta-représentation, de méta-représentation, et tu peux aller assez loin là-dessus. Donc moi, l'idée que je présente là-dedans, pour aller vraiment au cœur de l'argumentation du bouquin, c'est en termes institutionnels que je la présente. C'est-à-dire que j'essaie de montrer que mes premiers exemples, c'est des exemples d'invention d'écriture par émulation. C'est-à-dire que le prophète amérindien, il invente l'écriture pour combattre le prosélytisme des missionnaires qui arrivent avec leur propre écriture et avec la Bible. Donc là, on a véritablement un effet d'imitation qui se construit, qui se propage et qui se casse la gueule. Mais là, on sait très bien que sans les missionnaires, il n'y aurait probablement pas eu d'invention de l'écriture de la part de ces prophètes-là. C'est pour ça que le deuxième exemple, celui sur lequel je passe le plus de temps, celui de la société initiatique du Midewiwin chez les Ojibwe, est plus intéressante puisqu'elle nous donne un exemple où on a l'invention d'une écriture en dehors de toute influence décisive. On a peut-être quelque chose comme une diffusion de l'idée d'écriture, du stimulus, quelque chose comme ça, mais on a des conditions institutionnelles qui ont émergé et qui ont rendu l'invention d'une écriture pertinente. Et quelles sont ces conditions institutionnelles? C'est globalement une institution chamanique qui est devenue de plus en plus... Alors qu'est-ce que c'est qu'une institution? L'institution, c'est simplement des gens qui se rencontrent et qui rentrent dans des interactions qui sont stipulées, qui sont réglées, qui font à peu près la même chose que ce qui avait été dit, et on donne à ça le nom de institution. On dit ça, ça s'appelle comme ça, voilà. Et là, vous transmettez ce genre de choses. Donc, à l'intérieur de ces règles interactionnelles-là, on fait passer du savoir. Donc là, on est en deuxième couche. Et ce savoir, moi, je montre qu'effectivement, il peut être stabilisé encore plus par une écriture. On est en troisième couche. Je précise pour dire que ça facilite certes la standardisation du discours, de l'écrire, mais probablement pas sa transmission. C'est-à-dire que ça demande beaucoup d'efforts à la mémoire d'apprendre à la fois le chant et son écriture. Et qu'il est probable que le fait que ça pèse plus sur la mémoire, ça le rende d'une certaine manière pas plus facile à mémoriser, mais disons que ça stabilise plus. On apprend deux structures qui sont homogènes, qui sont homologiques l'une à l'autre. De toute évidence, on a un gain en termes de stabilité qui passe par le fait qu'on va le travailler beaucoup, beaucoup plus, parce qu'il faut apprendre deux choses qui sont homologues l'une à l'autre. L'écriture d'un côté, le discours de l'autre. Mais je reviens à l'argumentation. Ce que je disais, moi, c'est qu'avec une société initiatique, on a clairement quelque chose qui s'est mis en place et qui est de l'ordre de ce que Bateson appellerait la schismogénèse, en fait. C'est-à-dire qu'on a deux institutions qui sont progressivement mises à évoluer de manière divergente. D'un côté, des chamans qui allaient purement du côté du charismatique, qui allaient purement du côté de l'improvisation de leur divination. C'est des chamans qu'on appelle déjà sakid dans des tentes tremblantes. Et globalement, on pourrait dire qu'il se transmet quasiment rien. C'est-à-dire que tout se réinvente à chaque génération, même si ce n'est pas vrai. Globalement, tout leur discours, c'est du discours qui est improvisé, même si c'est dans certaines formes. Il n'y a pas de longs chants rituels et de choses comme ça à mémoriser. Donc c'est un chamanisme d'élection, un chamanisme qui s'adapte à chacune des situations et qui est essentiellement un chamanisme divinatoire. Et de l'autre côté, c'est développé un chamanisme qui était, lui, un chamanisme complètement scolaire, didactique, pour lequel il fallait apprendre du savoir. Savoir qui par ailleurs était valorisé, c'est-à-dire qu'il y avait un paiement, c'était une marchandise, ce savoir-là, et ce savoir-là devait rester le plus stable possible, puisqu'il y avait une condition épistémologique qui disait que si ce savoir variait, alors son efficacité thérapeutique, en l'occurrence, tendanciellement baisserait. Cette dualité institutionnelle qui est propre aux Ojibwe, d'habitude, est prise en charge par un seul chaman. Dans beaucoup de sociétés amazoniennes, dans beaucoup de sociétés du nord du Canada, chez les Athapascans, c'est un seul chaman qui fait à la fois les chants rituels, les divinations, c'est un seul chaman qui prend, une seule institution chamanique en tout cas, qui prend tous ces aspects en charge. Cette différenciation institutionnelle qui se met en place dans certaines sociétés, dans certaines conditions écologiques, sociologiques, etc. données, donne la place à une complexification de ce qui est transmis génération en génération. On se transmet de plus en plus de discours qui pèsent de plus en plus sur la mémoire, et c'est dans ce contexte-là que l'invention d'une écriture sélective, par exemple, peut devenir pertinente. Et qu'en plus, elle peut prendre et elle peut se stabiliser, puisqu'elle a une institution qui est là pour la stabiliser. Ce qui est intéressant, c'est qu'après avoir fait cet argument-là, je suis allé voir dans les autres cas d'écriture sélective, non pas celle qui avait explosé comme ça dans un cadre d'un mouvement messianique et qui avait disparu au bout de 10, 15, 20 ans, mais celle qui s'était stabilisée sur plusieurs générations. Et je me suis rendu compte que chaque fois, on avait les mêmes conditions institutionnelles. C'est-à-dire que pour les exemples les plus connus, les kunas sont exactement comme ça. Ils ont des chamans qui sont purement des devins qui le sont de naissance, qui n'ont pas de savoir véritablement à répéter, mais qui ont une espèce de qualité magique, surnaturelle, comme ça, et qui sont complémentaires avec les chamans qui, par contre, se distribuent énormément de discours. On a quelque chose de relativement similaire chez les Navajo, avec d'un côté des devins et de l'autre côté des chamans qui se transmettent des quantités mais infernales de rituels qui durent pendant des jours et des jours et des jours avec des chants extrêmement compliqués, pour lesquels ils ont mis en place une iconographie qui peut, dans certaines conditions, sous certaines réserves, fonctionner comme une écriture sélective. Et on a la même chose sur l'île de Pâques, selon l'interprétation que je peux en donner. Et on a la même chose chez les Nashi en Chine, qui ont une des écritures sélectives les plus belles, les plus intéressantes par ailleurs, et qui fonctionnent aussi selon cette dualité institutionnelle. Donc on a un bon schéma institutionnel, dynamique, qui construit les conditions d'une possible invention d'écriture. En tout cas, c'est globalement c'est ça l'argument du bouquin quoi. C'est ouais. Du coup, après je me dis il y a enfin, ce qui me semblait qui intéressant c'est que quand tu dis ça, par contre, tu distingues très fortement la fonction de l'écriture, donc stabilisation, de son usage. Là tu dis, il y a plusieurs fois tu dis dans le texte, comme ça c'est historique, et puis ça, donc ça peut être des cas d'opposition entre les charismatiques, de schisme aux genèses à la Benson, ça peut être des cas de mimétisme, ça peut être une série de cas qui sont historiquement déterminés, et ça on n'a pas trop à jouer là-dessus. Il me semblait que ça c'était quelque chose que, enfin, en tout cas moi dans l'analyse que j'avais et de Lévi-Strauss, où là on a vraiment écriture égale coercition, et puis en fait fonction et usage ne sont pas distincts, ou les Deleuze qui reprend vachement ça, tout à l'heure, etc. Là tu t'as trouvé une distinction qu'on n'avait pas, enfin que moi j'avais pas souvent en tête. Alors je sais pas, est-ce que c'est quelque chose que toi t'as repiqué à quelqu'un d'autre, ou est-ce que c'est quelque chose que toi t'as... Alors reprends ta distinction. La distinction notamment entre la fonction de l'écriture, c'est la stabilisation, et de dire bon, ensuite les usages. Les usages sont historiquement divers, donc si vous avez un état très fort, ça va renforcer le pouvoir coercitif, si vous avez autre chose, ça va être plus... C'est ça, comment dire, encore une fois, quand je me moque un petit peu de l'illustration, c'est que je me mets de côté, c'est que les historiens de l'écriture, ça depuis un bout de temps, l'usage de l'écriture en Grèce, on peut pas véritablement dire qu'il est tyrannique, quoi, et il a constitué quelque chose de complètement différent, et ça on a des livres, il y a un collectif de Marcel Détienne, qui date de la fin des années 70, qui montre ça de manière relativement claire. Et non, après, la problématique qui est intéressante, c'est que moi, quel concept que je mets en place là valent, c'est d'un côté les écritures qui ne sont pas des écritures intégrales, donc des écritures qui dépendent de qui accompagnent la transmission orale. Donc ça peut être des écritures sélectives partielles, mais en fait, il y en a d'autres. Il peut y avoir des écritures logographiques pures, il y a toute une tératologie des écritures qui m'amuse beaucoup et qui fonctionne comme des écritures attachées. Donc la sémiotique, qu'elle soit sélective ou autre, c'est pas très important. Ce qui est intéressant, c'est que les écritures attachées, ce qui les définit, c'est qu'elles sont elles ont des contraintes institutionnelles ultra puissantes et des contraintes sémiotiques très très faibles. On peut avoir n'importe quel type de sémiotique, même la plus compliquée possible imaginable, ça fonctionnera bien dans la mesure où on a des contraintes institutionnelles qui sont très très présentes. Donc typiquement, une des écritures qui m'intéresse, celle qui fait d'ailleurs la couverture du bouquin, c'est une écriture de missionnaire, des Mi'kmaq, et qui est l'écriture la plus compliquée de la planète. Il y a quelque chose comme 5000 signes, tout ça pour écrire juste le catéchisme et deux, trois prières religieuses. Ça vient de là du coup, l'expression un Mi'kmaq ça vient pas du tout de là. Mais et en fait, on a une écriture qui a une sémiotique qui n'a aucune contrainte cognitive. Avec un peu de contrainte cognitive, on mettrait des éléments sonores dans ces logogrammes, comme le font les Chinois, ou alors on passerait à l'alphabet. On donnerait vraiment la préséance au côté phonographique. Mais là, on a une sémiotique pas logique. Normalement, ne devrait pas se transmettre, ne pourrait pas se transmettre, le cerveau humain ne peut pas transmettre ça en milieu naturel, en milieu pseudo-naturel. Par contre, à l'intérieur d'une institution aussi rigide que la messe catholique, l'église catholique, alors là, on a créé une petite niche écologique qui a permis à une technologie absurde de complexité de se stabiliser pendant quelque chose comme 2 siècles, 3 siècles même. Bon, moi, globalement, je peux expliquer ça. À partir de là, je peux expliquer aussi l'émergence de l'écriture, c'est-à-dire que les écritures telles qu'on les connaît, on peut imaginer qu'elles ont été inventées pour le même type de raison que ça. Elles ont été inventées dans un premier temps comme des écritures attachées. Ensuite, l'existence même du principe de notation de la langue plutôt que de notation du discours ouvre la boîte de Pandore, quoi. Enfin, y a un déclic qui fait qu'ensuite on peut faire énormément de choses, et en particulier on peut lire des textes après que leurs auteurs soient morts ou en leur absence. Ça permet de construire l'archive, ça permet de construire le malentendu, l'incapacité d'interprétation, l'herméneutique, la philosophie, la science. Ça permet de faire pas mal de choses, à vrai dire, de faire une écriture morte, en fait. C'est véritablement ça qui apparaît avec l'écriture. Dans des conditions institutionnelles incroyables, c'est-à-dire qu'une écriture, ça permet de passer d'une langue à une autre, d'un pays à une autre. Quand se détruit une institution qui portait une écriture donnée, alors ça a été récupéré par une autre institution. Enfin, il n'y a pas de problème. Et ça, même avec des écritures complexes, je veux dire, l'écriture sumérienne, elle est passée à la langue akkadienne, elle est passée d'une institution à une autre, d'une religion à une autre. L'écriture égyptienne a pu exprimer un monothéisme à un moment donné, etc. etc. Donc, ensuite, effectivement, l'écriture est complexe. Mais j'essaye même pas de critiquer en fait Lévi-Strauss dans la mesure où il n'est pas critiqué. Lévi-Strauss, c'est juste pas pertinent. facilement en fait. C'est des conversations de PMU, c'est pas très très intéressant. Mais ce qui m'intéresse moi dans son texte là, c'est juste de revenir à l'anecdote même qui, elle, par contre, elle est assez sympathique. J'ai une question qui est peut-être un peu latérale, et donc je ne sais même pas si elle est anecdotique ou si elle touche à quelque chose qui a du sens. Je me demande où vous placeriez dans cette question du rapport entre la intéressée entre la répertoire graphique et une transcription ou une notation, qui peut être aussi l'écriture, je ne sais pas, ou qui peut être l'écriture. Où vous placeriez cette anecdote par exemple de Strauss dans son dialogue avec Charbonnier lorsqu'il cherche en fait à relativiser plutôt la notion d'art dans les sociétés de productives et ses écritures, et quand il dit lorsque telle femme veut protester auprès de son mari, elle commande à un artiste un vase avec justement des graphismes dessus, décoré. Et le mari comprend, ça veut dire qu'elle proteste contre quelque chose de ça pour lui. Donc il y a quelque chose, j'imagine, assez codifié dans cette affaire. Et bon, c'est pas le discours lui-même qui est. Qu'en est-il de ce rapport entre un geste qui est tout même symbolique, une signification, une décoration qui n'est pas une décoration et qui veut dire quelque chose, et puis c'est pas non plus une notation de discours. Donc où est-ce qu'on peut placer ça? Ah, là, c'est la problématique du discours, c'est ce qu'on appelle de la communication indirecte. Ça arrive dans plein de cas quand, je sais pas, quelqu'un chante un chant de son autobiographie en disant « Ah là là, j'étais pauvre, j'étais malheureuse ». Et ce faisant, en fait, ce qu'on veut exprimer indirectement à la personne qui est à côté, c'est « Là, tu as été mesquin avec moi et je te fais une critique sans assumer exactement la critique, parce que si je te faisais la critique face à face, alors tu serais dans la position d'avoir à choisir une des attitudes parmi le répertoire, l'agression, l'excuse, etc. Je ne veux pas te mettre dans cette position-là, donc de manière indirecte, te communique un grief sans t'obliger à y répondre de manière directe. Bon ben là, je pense qu'on est dans ce type de communication là, que Lévi-Strauss ensuite veuille en faire une théorie de l'origine de l'art. Certes, hein, il a aussi comparé le marxisme au bouddhisme en disant que globalement c'était la même chose. Lévi-Strauss était un théoricien au moins paradoxal régulièrement, quoi. Il aimait bien faire des fables philosophiques, c'est-à-dire prendre une anecdote et lui donner une valeur qui a priori n'avait pas nécessairement beaucoup de rapport avec l'anecdote. Pour moi, c'est du style, quoi. J'aurais pas vu ce que lui donner une valeur théorique. Mais maintenant, enfin, l'exemple qu'on m'avait donné, je la vois comme une communication indirecte assez standard. C'est comme ça que fonctionnent les humains en général. Donc, il y aurait aucun rapport avec ces décorations géométriques Si, elle l'a utilisé à ce moment-là pour ça, mais effectivement, ça n'a aucun rapport essentiel avec ce qu'est le répertoire géométrique. De la même manière que le fait qu'une femme se plaigne de son mari d'être mesquin n'a pas une relation essentielle avec la tradition des chants autobiographiques qui se transmettent d'une femme à une autre. Je donne un exemple, je trouve sur le terrain, je peux en trouver une avec ma compagne, etc. Mais là, ça peut être trop intime, mais c'est vraiment, ça fait partie des interactions standards et quotidiennes qui sont les autres, je pense. Hein. Mais voilà. De l'écriture et la circulation de son interprétation. C'est-à-dire, au fond, est-ce qu'il y a des écritures qui peuvent circuler sans la bonne interprétation et sinon, en fait, comment est-ce que les deux circulent ensemble, c'est-à-dire dans ce que tu dis de la transmission, est-ce que est-ce qu'il y a des écritures qui sont considérées comme des écritures entre initiés, enfin, mais est-ce que dans d'autres types, en fait la question c'est pourquoi est-ce que les écritures ne peuvent pas circuler toutes seules, hein, tu vois, où est-ce qu'elles le peuvent, ça c'est un premier élément, et là, un deuxième élément c'est au fond dans l'effet produit par l'écriture, ce qui m'a frappé dans ce qui était donné comme l'effet de légitimation, en fait, la question de l'effet d'autorité, on a l'impression finalement que ce qui produit cet effet, c'est le graphisme sans son interprétation. Hein, et donc, je ne sais pas comment dire, mais je suis assez troublé par ça. Je ne suis pas développé ce point-là, mais. Et le troisième élément, c'est que je suis assez fragile. Par le fait que, au fond, en tout cas dans le livre, mais là c'est les exemples aussi que tu donnes, c'est que ce sont des écritures qui sont inventées de manière singulière, individuelle, par une personne. Et en fait, je dois dire que je suis assez troublé aussi par ça, c'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas inventer une écriture à plusieurs? Comment est-ce qu'on. Enfin, est-ce que tu as des exemples en fait d'invention d'écritures sélectives qui se font à plusieurs? Voilà. Est-ce qu'en fait derrière ça, ça revient un peu à la question de l'interprétation, c'est en fait comment est-ce qu'on contrôle le. Enfin, est-ce qu'il y a la question qui n'est jamais posée, c'est celle de la question du contrôle en fait du répertoire. À l'écriture, j'imagine que. Enfin bref, c'est une question un peu vague comme ça. Mais ouais, ta deuxième question, juste pour revenir, mais je l'ai oublié en écrivant les livres. En deux mots-clés, ça me reviendra. J'avais une question qui était sur la circulation de l'écriture et circulation de l'interprétation, la deuxième. Là, c'était sur l'effet produit par l'écriture, en fait, la dissociation qui me semble être entre l'effet produit et le. Enfin, on a le sentiment, c'est que l'effet produit par l'écriture, en fait, est un effet qui est uniquement lié à la graphie, au graphisme de l'écriture, sans que le sens, en fait, lui-même soit. Et produisent un effet en fait. Donc est-ce que ça veut dire que l'écriture a un effet propre qui est distinct du sens en fait de l'écriture? Je commence par là justement. Parce que j'ai pas trop. Le deuxième point de l'argumentation, effectivement, je ne l'ai pas trop développé en grande partie, puisque ça m'amène ensuite, pour lui donner sa généralité intéressante, ça amène à des exemples chamaniques et des exemples prophétiques qui ensuite, enfin, prennent des heures à développer. Mais dans le cas de l'exemple de Julio, c'est pour ça que c'est moyennement intéressant, mais le fait qu'il montre l'écriture comme ça équivaut au fait de porter un casque colonial, ou équivaut à tenir un fusil, ou c'est simplement exhiber l'appropriation d'un outil ou d'une culture matérielle qui soit particulièrement symbolique de cette culture étrangère qui est la culture coloniale. Donc entre un livre et un fusil, il n'y a pas de différence. Et j'ai tout un chapitre dans le bouquin là, qui va sortir, qui est sur la mythologie amazonienne, qui met systématiquement sur le même plan le fusil et le livre. En tout cas, à chaque fois qu'il est question du livre ou de l'écriture dans la mythologie amazonienne, il est toujours question de la mettre sur une série continue de marchandises. Et dans le sens de l'effet produit par l'écriture dans la tentative de Julio de à la fois inventer une écriture, c'est-à-dire qu'à la fois il peut-être, évidemment, inventait quelque chose comme une écriture qui lui permettait d'accompagner son discours, écriture qui n'a pas été transmise, qui donc a été un échec, mais pourquoi pas. Mais en même temps était censé convaincre les siens qu'il avait une alliance très particulière avec le blanc. Il aurait pu convaincre les siens en ayant un fusil. Il aurait pu, mais plus simplement, il aurait pu convaincre les siens en ayant un chapeau ou en portant des chaussures. Ce genre de signes extérieurs de devenir blanc et, sont fondamentaux et captent l'autorité, lui donnent un caractère visible et sont assez typiques. Donc dans cette situation-là, j'irais pas plus loin que ça. C'est-à-dire que voilà quoi, c'était pas très important. Peut-être que Julio avait compris, certainement il avait compris le lien entre un discours et un signe graphique, que donc il avait une interprétation sémiotique de l'écriture, mais les gens qu'il essayait de convaincre, qui probablement, il y en avait peut-être qui avaient une interprétation sémiotique, on peut imaginer, si on fait confiance à Lévi-Strauss, que la grande majorité avait une interprétation totalement asémiotique et ne savait pas de quoi il était question, si ce n'est que c'était le répertoire graphique propre aux blancs. C'est-à-dire, nous, on a un répertoire graphique traditionnel qu'on utilise pour décorer les choses, qu'on utilise pour se peindre, qu'on utilise pour plein de choses. Les blancs, ils ont celui-là. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a appelé, c'est comme ça qu'on le comprend. Et notre chef est en train de s'en prévaloir et en train de construire quelque chose comme une autorité à partir de nous. C'est quelque chose de cet ordre-là qui était plus ou moins bien. Donc ça serait ma réponse pour ton histoire des faits produits. Pour le caractère collectif de l'invention de l'écriture, il y a deux aspects là-dessus. Moi, globalement, quand j'ai voulu étudier tous ces exemples d'invention d'écriture, c'est parce que j'y avais accès. Et c'est parce que l'intégralité des discussions qui concernent l'invention des écritures, des grandes écritures, on va dire, hein, mésopotamienne, sumérienne, égyptienne, maya, etc., on n'a absolument aucune donnée là-dessus. Donc, on ne sait pas si il est... Aujourd'hui, on pense qu'il est difficile que ces écritures aient été... et fait l'objet d'une invention progressive ou d'une progressive élaboration sur des centaines d'années. Le plus probable, c'est que ça a été inventé en une génération par une école à l'intérieur d'une institution rituelle relativement complexe, comme celle d'ailleurs que je... Parce que ouais, y a des, dans les nouveaux entretiens avec Charbonnier, du nouveau Lévi-Strauss, qui s'appelle Descola, c'est à peu près l'hypothèse qui soutient. C'est qu'il y avait des collèges d'experts qui ont inventé l'écriture dans ces collèges. Alors il se trouvait qu'ils étaient analogistes, mais ça c'est un détail. Mais il a fallu que ce soit dans des collèges d'experts, et ça s'est fait probablement en une ou deux générations assez rapidement. La plupart des historiens de l'écriture maintenant convergent vers cette idée-là. C'est Glasner, un historien d'écriture assyro-mésopotamienne, qui avait proposé dans un premier temps, parce que l'écriture n'apparaît comme telle, comme une écriture, qu'à partir du moment où elle est close. Et qu'à partir du moment où il y a un, elle ne peut pas être partielle. C'est-à-dire qu'une écriture doit pouvoir écrire tous les mots d'une langue, potentiellement. Pour qu'il y ait ce phénomène de récursivité, pour qu'il soit possible avec des signes graphiques en nombre limité d'écrire tous les mots de la langue, façon Chomsky, il faut nécessairement qu'il y ait un principe phonographique dedans. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une manière, un garde-fou de la prolifération des logogrammes, de la prolifération des signes qui correspondent à un mot. Et ce garde-fou, c'est le principe phonétique, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas plus de 80 syllabes dans la plupart des langues, et que globalement, si en plus on découpe ça en consonnes et en voyelles, on arrive à une trentaine en général. Et avec ce corpus clos d'une trentaine ou de 80 signes phonographiques, on arrive globalement à réduire l'écriture, à la rendre transmissible en n'importe quel contexte. Et c'est ce qui s'est passé de manière systématique, c'est-à-dire que toutes les écritures, toutes les quatre grandes écritures qui ont été inventées, sont toutes logophonographiques. Elles ont toute cette complexité relative de leur sémiotique. Et donc, on prend. Ouais. Et ça. Mais les 20 écritures sélectives que tu as repérées, à chaque fois, c'est une personne qui a inventé une écriture. Quand on connaît l'origine, ouais. Mais par exemple, je peux pas te donner. Il est probable que. En plus, c'est difficile de parler exactement d'écriture. Tu vois. L'écriture sélective, elle est dépendante d'un texte. Ce sont avant tout des textes. Et elle n'existe pas en dehors de texte. Donc, certes, on construit des signes qui sont ensuite recyclés dans d'autres textes. Mais la plupart des textes ont besoin de signes très différents des textes précédents. C'est une conséquence directe du fait qu'on note les variables. On note les choses qui sont différentes, on note pas les constantes à l'intérieur de champs rituels. Donc si on note les variables, on note les singularités, et au prochain texte qu'on va noter, on va à nouveau noter les singularités qui seront différentes des premières, etc. Donc globalement, on a des écritures qui ne peuvent pas être séparées de leur texte. En fait, c'est des écritures attachées. Elles sont attachées à leur texte, à leur discours, à leur institution, etc. Mais pas à leur auteur, c'est-à-dire qu'elles sont transmises par les autres. Pas à leur auteur, effectivement. Elles se transmettent de génération en génération, mais en bloc. De penser que des écritures sont inventées par les personnes. Enfin, je ne sais pas comment dire, je trouve que c'est très... Alors, il y a plusieurs choses. Regarde, il y a plusieurs arguments, on parle de plein de choses différentes. Pour ce qui est des écritures sélectives... Oui, bon, bah, tu parles de ces écritures que tu dis. Ouais, bon, bah, tu vois, c'est un mec qui vous invente une fois, et puis voilà. Pour le coup, c'est du cas empirique. Donc, certes, c'est des cas empiriques. Oui, mais ce qui m'intéresse, c'est les cas empiriques, parce que mais c'est ça. Voilà, mais ça, de fait, c'est des individus qui les ont créés. On peut contre-argumenter en disant que c'est des individus. Quand c'est des individus qui les ont créés, alors les écritures se sont cassées la gueule. Alors que celles qui ont de la stabilité remontent à un passé, non pas immémorial, mais à un passé qui n'est pas documenté. Et j'ai pas la moindre idée de qui a inventé l'écriture des Ojibwe, qui est une des écritures qui se stabilise sur 200 ans et qui est relativement complexe. Qui est une écriture sélective. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un mythe. J'ai un mythe qui me dit un jour un prophète est venu, il a inventé ça, et puis voilà. Et ça, c'est probablement au début du 18e siècle que ça peut se situer. Donc c'est des gens qui ont volontairement mythifié l'origine de leur technique intellectuelle. De fait. Pour des raisons qui étaient les leurs à l'intérieur d'une société initiale. Mais alors, du coup, est-ce que tu crois pas que... Disons, de fond, si tu veux, est-ce que tu crois pas que le fait qu'une écriture soit liée à une institution et donc puisse se transmettre, c'est précisément qu'elle doit répondre à une condition qui est une condition d'ouverture à plus d'une personne. Oui et non. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a dans ces conditions-là un phénomène culturel qui est une niche écologique. C'est-à-dire que ce n'est pas des pressions sélectives standard. Les pressions sélectives, c'est ça doit fonctionner bien dans le cerveau des autres ou ça doit fonctionner bien dans l'environnement donné. Là, on a une niche institutionnelle qui est... On est dans une société initiatique où de toute façon, il faut répéter ce qu'on dit de manière inconditionnelle. Donc tu acceptes l'autorité de tes aînés. T'as pas vraiment le choix. Il n'est pas question. Ensuite, tu peux créer ton mouvement prophétique concurrent, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux rentrer dans l'institution, tu payes très cher et ensuite tu prends ce qu'on te donne. Et tu le prends de la manière la plus précise possible et imaginable, puisque c'est comme ça que les divinités, les entités surnaturelles l'ont énoncé et toi tu dois reproduire ça. Dans ces conditions-là, si ça. On n'est pas en milieu naturel, tu vois. C'est-à-dire que ça explique que ces choses-là, ces techniques-là, ces écritures-là, quand l'institution disparaît, elles meurent. Alors que les écritures logophonétiques, qui sont beaucoup plus puissantes d'un point de vue de mémorisation, elles ne sont pas mortes avec leur institution. C'est-à-dire qu'elles pouvaient, elles fonctionnaient très bien avec le cerveau humain, elles se sont même recyclées sur une zone, elles fonctionnaient très bien dans diverses institutions humaines qui ont pu réinterpréter, qui ont pu faire circuler l'écriture et faire circuler des interprétations. Là, on a des écritures qui sont toujours interprétées de la même manière. Alors que les écritures logophonétiques, qui circulent ont été interprétés de 10 manières différentes. Enfin, il y a toute une herméneutique de l'écriture chinoise qui est constitutive de l'histoire chinoise même, quoi. Et donc, pareil pour la Corée, pareil pour un bon paquet d'écritures. Et nous-mêmes, on peut dire que notre écriture depuis Platon, elle est pensée en fonction du pharmacos. On a aujourd'hui des gens qui, etc., etc. Donc, l'herméneutique d'une écriture, c'est un truc qui peut changer. Dans les conditions d'écriture attachées, l'herméneutique de l'écriture, les méta-représentations de l'écriture, si tu veux, ça change pas. On est en condition de stabilité. Il n'y a pas de principe d'incertitude. C'est ça qui est intéressant dans les sociétés, dans le cadre de la transmission des savoirs de sociétés où il n'y a pas de conflit interne au savoir, où ces conflits prennent seulement l'aspect de mouvement messianique ou de mouvement prophétique qui arrive très régulièrement, mais on n'a pas de controverse fondamentalement dans ce domaine de savoir-là. Alors on a des épistémologies qui insistent sur la répétition, qui insistent sur la certitude, qui insistent sur la différence. et point à la ligne, quoi. Et du coup, pour arriver à faire une anthropologie du savoir qui soit intéressante dans ces conditions-là, on n'étudie pas des controverses, on étudie des relations, des mises en forme différentes de savoir. C'est-à-dire qu'un truc qui est fondamental, c'est de prendre un même récit, quand il est raconté sous forme de mythe, quand il est chanté sous forme de chant rituel. Et si on compare ces deux choses-là, ces deux formes de savoir différentes, avec leur épistémologie qui leur est propre, alors on peut conclure énormément de choses sur la psychologie, sur la mémoire, sur ces sociétés-là. Et on peut faire la même chose sur plein de matériaux. Enfin, l'anthropologie du savoir, ça peut avoir une méthode expérimentale de ce type-là, où on n'étudie pas des controverses, comme moi j'avais l'habitude de faire quand je faisais de la philosophie des sciences, mais où on étudie simplement les empilements épistémologiques des savoirs les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire que ces populations de tradition orale se transmettent énormément de savoirs, mais des savoirs qui sont très différents les uns des autres. Donc c'est très difficile. On peut toujours ensuite prendre un schème ou deux de ces savoirs-là et l'abstraire, l'enlever de ses conditions et l'appeler animisme, analogisme, perspectivisme, ou etc. Mais néanmoins, ce qui est véritablement intéressant sur place, c'est de voir que telle notion, dans l'animisme, qui est dans les conversations quotidiennes, a tel sens. Et une fois qu'elle est transférée dans un contexte de récit mythologique à un autre sens, transférée dans un contexte de chant rituel à un autre sens, et que ces savoirs-là sont considérés comme des savoirs différents par ceux qui les détiennent, et que c'est fondamental de prendre en compte ça, sinon on aplatit tout et on transforme la pensée des gens en quelque chose qui n'existe que dans le cerveau de gens du 5e arrondissement. Et c'est dans ce sens-là que ça peut devenir intéressant. Mais je m'éloigne un petit peu en fait, de l'écriture. T'avais une troisième question qui était la première et que j'ai pas comprise en fait. Parce que, mais peut-être qu'on en a parlé sur la circulation d'écriture et la circulation d'interprétation. Et oui, c'est ça. Il me faudra un peu plus de chair pour comprendre ça. D'abord, je voulais faire un moment plus profond. Enfin, ce que tu décris finalement, ça me fait penser à ton point de départ, c'est qu'au fond, l'écriture telle que tu l'as. Enfin, ce type d'écriture telle que tu proposes, c'est que tu fais penser à ton expression de prison mentale. J'ai l'impression que c'est des écritures qui sont comme des prisons mentales. Ah, c'est terrible. Non, c'est. En fait, c'est des. Pendant longtemps, je disais que ces écritures, elles facilitent la transmission. C'est comme ça que je le pensais. Et en fait, un jour, quelqu'un m'a tout simplement dit dans une communication, mais enfin, c'est absurde en fait, puisque on doit déjà apprendre des chants, c'est compliqué. En plus, on doit apprendre des écritures qui sont très souvent extrêmement compliquées. Et donc, on alourdit l'apprentissage ce faisant. Et du coup, l'expression facilité, on peut comprendre dans un autre point de vue, mais connote des choses qui ne sont pas nécessairement parfaites pour ça. Prison mentale, oui, enfin, je veux bien que tu parles de société froide dans ce cas ou ce genre de choses. On ne peut pas absolument dire le contraire. Enfin, c'est des gens qui n'ont pas construit le conflit et l'argumentation à l'intérieur de leur culture mythologique et traditionnelle. Et par exemple chamanique, c'est-à-dire qu'il y avait des conflits bien sûr partout. C'est des sociétés comme les autres. Mais ça s'est pas passé dans le domaine du savoir. C'est-à-dire, le jour où on a décidé que les mythes, en fait, ça s'opposait à du logos, alors on a créé autre chose. Le jour où on a dit, non, mais tous ces chamans, en fait, c'est des charlatans, il y a une médecine, et cette médecine, elle se fait de telle manière, et c'est du logos, alors que les charlatans, c'est du mythos. On est rentré dans un régime de controverse, pour le coup, qui est fondamentalement différent de ce qui se passe dans les cas que j'étudie, quoi, et qui, enfin, la paranoïa n'est pas la pathologie des sociétés à tradition orale. C'est clair, net et précis. Ils ont probablement plein d'autres, comme toutes les sociétés, mais certainement pas celle de l'incertitude. Non, c'est vrai. Enfin, on est tous des grands angoissés, puisqu'on vit dans des environnements urbains et que rien ne va plus. S'il y a une chose que j'ai appris quand je suis allé chez Ranawa, donc dans une population, dans un village de 200 personnes, sans électricité, où les gens, s'il y a une bombe atomique un jour qui vient à exploser, ils sont entièrement autonomes, ils arrivent à continuer à vivre, alors que moi, très clairement, je mourrais pas en une semaine si on ne fait pas bouffer par d'autres gens. C'est exactement ça, quoi. C'est que c'est pas angoissant, quoi, de vivre chez eux. C'est l'effet d'un Xanax multiplié par 200. Et ça paraît juste anecdotique de dire ça, mais il y a quelque chose de fondamental, à mon avis, là-dedans. Et qui est complètement intuitif, mais du coup, je par ailleurs qu'oralement d'ailleurs, mais qui est fondamental. Après, vous pouvez le relier à plein d'autres choses. Il n'y a effectivement pas de stock, pas d'inégalité sociale. On est dans des sociétés qui par ailleurs sont sédentaires, qui sont agriculteurs, qui ont vécu la révolution néolithique depuis très longtemps. ont décidé qu'il n'y aurait pas d'inégalité entre eux, c'est des sociétés qui sont relativement exceptionnelles sur les planètes. Donc voilà, c'est peut-être aussi dû à ce genre de choses. Mais voilà, encore une fois, je suis bien meilleur au départ de la question. Ouais, c'était l'histoire de prison mentale. Bah oui, c'est effectivement, il y a quelque chose comme un certain statisme qui est au moins dans la manière dont les gens considèrent leur savoir. C'est-à-dire que certes, le savoir il change, certes, tout change, Dieu merci, et surtout en condition orale, mais néanmoins, la manière dont les gens pensent ce savoir-là, c'est comme quelque chose de spécial. C'était ça, hein, la clé, la distinction de Lévi-Strauss, qui vaut ce qu'elle vaut par ailleurs, hein, entre société froide et société chaude, qui est tellement mal comprise par les Américains. C'est pas, il y a des sociétés qui changent ou qui changent pas, c'est con. C'est, il y a des sociétés qui pensent leur changement perpétuellement, ça j'y crois pas, ça serait nos sociétés. Et des sociétés qui se pensent elles-mêmes dans un immobilisme total, et ça serait les sociétés traditionnelles, la tradition orale. Donc c'est l'épistémologie qui crée le chaud et le froid, et non pas la réalité des interactions sociales. Ouais, pourquoi pas. En tout cas, du côté froid, je ne suis pas absolument contre. Tout en sachant que ça change tout le temps. Et que moi, une de mes grandes préoccupations, c'est précisément ce qui change dans ces sociétés-là, et ça change à coup de prophétisme, de messianisme. C'est là que ça se joue, le conflit, la controverse, etc. Mais pas vraiment ailleurs. Bon, on a déjà dépassé notre temps, du coup, merci beaucoup Pierre, c'était vraiment super intéressant. Merci à vous d'être venu.